que j'ai appris qu'on recevait un chef cuistot dans l'émission ce soir. Ouais, et il vient nous parler de la semaine du goût. Eh, mais tu crois que je pourrais lui demander des conseils pour faire des plats? Bah oui, bien sûr, y'a pas de raison. Mais tu crois qu'il connaît les plats que j'aime? Genre des bonnes pâtes à la carbo ou une bonne pizza savoyarde? Bah oui, bien sûr, il connaît, hein. Et puis n'hésite pas à lui demander d'ailleurs. Ah, fort! Ah ouais, bah fais-toi plaisir, hein, vraiment. Hein. En plus, on a prévu d'inviter un prof de sport la semaine prochaine. Tu n'hésiteras surtout pas à lui demander des conseils. Si les naufragés de l'os devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de paumés. Mickaël. 21h minuit. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous demande pas si vous allez bien, hein, c'est le week-end, j'imagine que oui. Hein. Ouais. Voilà, très... il y en a qu'une alors. Hein. Très bien. Et puis il y en a un autre qui doit aller très très bien, je pense. C'est Barack Obama qui a été élu prix Nobel de la paix. Oui, alors par contre, on comprend pas trop là. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a essayé de fermer le camp de Guantanamo. Ouais. Il a essayé de retirer ses troupes d'Irak. Il a essayé de. Oui, bah c'est bon, moi aussi j'ai essayé d'écrire un livre un jour, c'est pas pour autant que j'ai été élu prix Nobel de littérature. Bon, si ça peut te rassurer, lui non plus, il ne pense pas le mériter. Hein. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas l'impression de mériter de me trouver aux côtés de tant de figures qui ont reçu ce prix auparavant. Voilà. Qu'il le rende, ouais. Au moins il est honnête, hein, tu me diras. Ouais. Bah voilà, enfin, mais c'est vrai. T'imagines, ça aurait pu être Sarkozy quand même. Hein. Non, ça c'est pas possible. Quand même pas, il faut pas déconner. Sarkozy, il a créé plus de conflits qu'il n'en a réglé. T'as qu'à demander aux employés de Continental. Sarkozy n'a pas voulu vous recevoir, qui ont envoyé un de ses laquais ou valets, comme on veut. Mais en tout cas, il a lâchement abandonné le problème. Il préfère parader à la télévision que de venir de rencontrer les gens qui sont dans la merde, pour le dire, ce terme. Mais oui, mais c'est normal que tu préfères parader à la télévision, tu sais, quand tu vas là, t'as des petits fours et tout ça, quand tu vas voir des gens qui sont aigris, à cause de Sarko ou d'autres choses, hein, je sais pas qu'ils ont tort, mais t'as pas des petits fours. Non, en plus, à Continental, à part un pneu, il avait pas grand chose à récupérer. En plus, ouais, c'est vrai. Encore, ça aurait été Continental, la compagnie aérienne, tu peux te dire, je voyage, tu vois, mais là, à part un pneu, effectivement. Bon, comme nous, dans l'équipe, on est à peu près tous d'accord, hein, pour dire que Barack Obama, prix Nobel de la paix, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Ouais. On lance donc notre propre vote pour le titre de Mickaël, le Mickaël de la paix 2009. Les nominés, mesdames et messieurs, sont Brice Hortefeux pour son soutien sans faille envers les Auvergnats. Ce groupe dispose de 20 sièges aujourd'hui, tandis que les autres groupes rassemblent 19 sièges. Ça signifie donc très concrètement 19 sièges. Voilà. Oui. Bon. Compréhensible. Ouais. Donc Laurent Ruquier également en deuxième place pour l'instant pour réussir chaque semaine à supporter Zemmour sans lui mettre sur la gueule. Non mais Zemmour, je vais pas. Gamin. Zemmour, mais non. Vous pouvez être objectif parce que. Mais je suis très objectif justement. Vous cite. Alors oui. Ça a dû vous énerver. Ah. Voilà. Il y a Kadhafi également pour avoir renoué le dialogue de sourds avec l'ONU. C'est pour le Coca-Cola. Connaissez le Coca-Cola. Nasra le Pepsi Cola, Coca-Cola. Se renseigne au sujet du Coca-Cola. On nous dit que c'est une boisson américaine. Ceci n'est pas vrai. Le cola africain. Parce que le cola est africain. Ah. Le cola est africain, ouais. Alors ça, c'est quand même une des rares fois où j'entends la traduction moins forte que la version originale. C'est pas mal. Et puis en quatrième place, pour l'instant, le PDG de France Télécom pour ne pas avoir attendu le 25e suicide avant de prendre des mesures. La raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui arrange tout le monde. C'est genre, oh, ton écharpe elle est belle, ah, oh, chatoyer des suicides, c'est la mode, c'est bien. Sympa. Bon, vous voteriez pour qui, Sandro? Le dernier. J'ai pas écouté les trois autres, donc. Bravo. Bon, le PDG de France Télécom, donc, Roux. Ouais, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, Toff. Ah non, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, Jack. Ouais. Ruquier. Ruquier également, d'accord, ok, très bien. Bah, moi, je mettrais Lombard. Lombard. Ouais, Lombard, France Télécom donc. Bon, vous avez toute la durée de l'émission pour aller voter sur amical.fm dans le blog, tout simplement. On fera un bilan vers la fin d'émission pour voir quels sont les heureux élus dans chacune des 5 catégories qu'on fait depuis le début de la semaine. Et ce soir dans l'émission, j'ai décidé de faire plaisir à Sandro. Ah, c'est gentil. Oui, je sais. On va recevoir la visite d'un chef étoilé au guide Michelin, Gérard Cagnat. Ah. Oui. Bien, à quelle heure j'ai faim? Oui, bon appétit, bien sûr. Vers 22h normalement. Ah, mais je vais pas pouvoir attendre jusque-là. Ah, ça va, c'est dans une heure. Bah, justement, voilà. Bah, il va falloir que je prenne un encap pour patienter. Ouais, c'est dommage, après t'auras plus chaud. Bah oui. T'inquiète, tu me connais mal depuis 5 ans quand même. Ah, ça va, ça va. Bon, en tout cas, on n'en doute pas, c'est sûr que tu vas pouvoir patienter. Hein. Je suis certain que tu vas pouvoir patienter. Bref, dans l'émission ce soir également, attention, on vous offre la dernière place pour aller voir Prince en concert au Grand Palais à Paris dimanche soir. Est-ce que je peux la voir? Oui, bien sûr. Sérieux? Oui, si tu envoies SMS et que tu réponds bien à la question et que t'es tiré au sort par Micha, tu peux la voir. Hein. Bah, d'accord, c'est quoi la question? Qui était... Il y a déjà un indice dans ce que je viens de dire. Qui était l'ennemi juré de Prince? Oh, son styliste ou son coiffeur? Non, ni l'un ni l'autre. Bon, si vous avez la réponse, envoyez tout simplement un SMS. Débutez le message par énergie, puis Prince par SMS. Donc 6 11 12 avec votre numéro de téléphone et votre prénom. Et avec voilà. La réponse. Oui. Non, bah, ça serait con d'envoyer Michael, Prince et son numéro de téléphone, de se souvenir qu'il faut l'envoyer au 6-11-12 et tout ça en oubliant de mettre la réponse, ça serait vraiment bien. Évidemment. On peut donner un indice ou pas? Non, bah non, pas déjà. Je connais la réponse. On fera le tirage au sort dans moins de 20 minutes. Donc bonne chance. Voilà, dans 10 minutes, on donnera un indice. Bon, on prendra quelqu'un, on tirera quelqu'un au sort, donc un gagnant parmi les bonnes réponses d'ici, donc comme il je disais, une petite une demi-heure. Une seule, c'est ça qui est ouf. Il en reste une seule, exactement. Et puisqu'on parle de gagnants, c'est ce soir la finale du grand jeu Fast and Furious. Il nous reste 4 compétiteurs qui vont s'affronter dans une lutte sans merci pour partir direction LA, tout frais payé, pour visiter les studios d'Universal et participer à un stage de pilotage. Ah, voilà. Bon, je peux y aller, Mike? Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai? Oui, si tu connais un moyen de remonter dans le temps jusqu'à lundi ou mardi, tu réponds par SMS à la question de sélection, t'es tiré au sort par Micha, tu me files un petit bifton, je te donne les réponses de ce soir pour que tu sois sûr de gagner. Voilà. Ouais, c'est bon, tracasse pas, je vais économiser un peu et puis il reste été en vacances. Oui, bah voilà, c'est une bonne idée aussi. Bon, on fera également l'expression du jour ce soir. On testera l'expression boire à l'œil et on ira faire un tour du côté du fucking Blue Boy, dire bonjour à Jean-Claude. Voilà. Bon, et puis pas le facile, hein, bien sûr. De quoi? Non, pas Jean-Claude est déjà prêt, hein. Il a ouvert la doudoune de Pablo. C'est pour parfait. Mettre son petit costume en plume. Oui, c'est parfait. Il va être tout beau. Et en parlant de Jean-Claude Fassi, les photos sont disponibles puisque hier nous avons reçu Cindy qui était là dès 21h30 et qui s'est tellement bien marré parce qu'elle est restée jusqu'à 23h. Ouais, putain. Voilà, avec FX également et Jean-Claude Fassi pour ce gros battle que vous pouvez revoir hein, sur mikael.fm. Et pour le moment, on écoute le répondeur de l'émission. Tous les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut les loulous, hello, c'est pas Nico, c'est Jacques Chirac. Eh oui, moi aussi j'écoute le pop le show. Ok, bonne celle-là, hein, Bernadette. Allez, fais-moi une choucroute. Fin du message. Message suivant. Ouais, Mickaël, en fait, je voudrais passer un coup de gueule. C'est pour dire que sur ce répondeur, eh ben, les gens, ils laissent n'importe quoi et ils laissent plus de coups de gueule. Ils laissent des messages de merde. C'est vrai. Voilà, c'était pour dire ça. Allez, ciao. Fin du message. Message suivant. Prout, t'es que je t'aime. Viens par ici, mon petit ami. J'ai un secret à te dire dans l'oreille, que je t'aime à la folie, youpi. Fin du message. Message suivant. Aujourd'hui c'est le 9 octobre, c'est mon anniversaire, et je suis punie, je vais pas le fêter, donc si vous pouvez être sympa à me faire fêter mon anniversaire, ça serait cool. Non, t'es punie. Ciao. Fin du message. Ah, mais t'es punie. Message t'as fait suivant. C'est mon équipe, c'est Sandro. Alors, je voulais juste demander à Sandro si à elle aussi lui avait appris à ne pas manger de chewing-gum quand on voit la radio, parce que c'est pas toujours... Très clair ce que dit. Allez, salut. Ça, c'est le hein. Message. Message suivant. Mickaël, je voulais te dire que je suis une maman avec une petite fille de 4 ans et demi et non une grand-mère, comme je t'ai laissé hier sur le répondeur. Pardon. Je n'ai que 36 ans, donc je ne suis pas cette grand-mère. Et voilà, bisous à toute l'équipe, à bientôt, au revoir. Il faut s'excuser, je pense. Message. C'est vrai. Voilà. Que 36 autant ans. Pour moi, ouais. Autant pour moi. Par contre, je suis, je pense, d'accord avec moi. Moi-même, c'est pour filer le cadeau à celui qui a fait un coup de gueule, puisque c'est à la base ça le répondeur, c'est pour faire un coup de gueule, il tapait un coup de gueule sur le fait qu'il n'y ait pas de message de coup de gueule sur le répondeur. Ah, ce qui était à la base. Faire... On est vendredi, on peut, fin de semaine, on peut peut-être faire gagner les deux. Ça, la grand-mère. Mamie et. Ça m'a énervé. Bon, Micha, On fait gagner les coups de gueule et la grand-mère. La vieille, hein, la vieille. Il aime bien les vieilles, top. Tu peux la rappeler si tu veux. Hein. C'est vrai, ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Ah, bah, je vais la rappeler alors. Ah ouais, en plus, Micha. 36 ans, ça peut être son kiff. Hein. Ah, moi, parce que Micha, il sait qu'il a aucune chance pour ça, il a peur de l'appeler. Bon, voilà, donc si vous voulez laisser vos messages, 01 40 71 3400. Ce soir, comme je le disais, gros dossier avec la finale de Fast and Furious 4. Les places pour Prince à gagner. Quel était son ennemi juré, justement, jusqu'à il y a peu. 612, débuté par Energy, et puis vous mettez Prince et la réponse et votre numéro de téléphone. Encore les packs pour aller à Disney avec les 4 places plus les 4 menus plus tôt. Ce soir, on vous met encore des places pour venir assister à l'émission du 6-9 avec Nikos, Mustapha et Flo et surtout l'interview de Mariah Carey. On vous rappelle un petit medley tout à l'heure, faudra retrouver les morceaux de Mariah Carey. Et puis encore pas mal de DVD, de places de ciné, de jeux vidéo et de Blu-ray à vous filer avant la fin de l'émission. On jouera également au Chéri, je t'ai fait cocu. Là aussi, on peut mettre les places en jeu pour Disney si vous voulez ou autre chose. C'est vous qui choisissez. Si tu veux jouer, hein? Tu veux jouer en haut? De quoi? Pour Walt Disney. Je t'ai fait cocu. Oui, si ça t'arrange, oui. T'appelles Toff, tu dis que tu as trompé, tout ça. Ça peut être pas mal. Bon, donc 612, débuté par Mickaël, et puis vous mettez tout simplement Mickaël, et puis cocu avec prénom, âge et numéro de téléphone. Juste que je vous raconte un petit truc, c'est une petite anecdote vite fait, deux secondes. C'est, vas-y. Je suis en train de regarder dans ce qu'on a comme chanson, tu sais, parce que je cherchais une chanson de Prince, bref. Et en fait, il y a un endroit spécial sur l'ordinateur pour les chanteurs morts, en fait. Non, c'est vrai. Ouais. Regarde, j'ai Bob Marley, Michael Jackson, Tupac, tu vois. Mmh. Et il y a qui dedans? Et je vois Britney Spears. Voilà, je vous l'annonce avant tout le monde. Ah ouais, apparemment, elle serait morte. Ah, après le dernier single, demain, en tout cas. Ouais. Après le dernier single, on aurait pu le croire. Ouais. Apparemment, elle serait morte. Bon, au niveau de l'Asie, on mettra Martin Solveig aussi ce soir. On mettra également le son de Pitbull. On fera péter Agnès également. Enfin, on fera péter. Ouais, on va pas lui casser les fesses. Moi, j'aurais bien aimé par contre. Oui, bon, on n'en doute pas. On mettra également du son US comme d'habitude. Si vous avez des propositions d'ailleurs pour ce soir, allez-y. 612, débuté par Mickaël ou sur Mickaël.fm. Et puis on va démarrer maintenant avec Ocean Drive et Without You sur Energy. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors charge le nouveau modèle. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son de Ocean Drive à l'instant, Without You sur Energy, 21h, minuit, comme d'hab, on est là. Les messages, vous pouvez les lâcher, allez-y, 612, débuté par Mickaël, comme d'hab évidemment, ou sur Mickaël.fm. Et bonne nouvelle, Toff va pouvoir se branler sur une nouvelle... Marge Simpson va faire la pause nue pour Playboy. Ah, je l'ai vu, ouais. Et ouais, ça y est, c'est vrai, hein. Pour le 20e anniversaire, donc et ça, s'il y a bien une femme au monde qui ne vieillit pas, c'est Marge. Ah oui, c'est sûr. Voilà, nous comme les gosses qui grandissent pas non plus. Hein, donc c'est bien une nouvelle playmate. Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est marrant parce que si un jour, espérons-le, on a la chance d'aller chez Hugh Hefner à Los Angeles. Je pense pas. Ouais. Oh, on sait jamais. Oui, mais enfin, j'imagine qu'il y aura quelqu'un qui prendra la relève. Je m'inquiète pas pour ça. Et qu'on voit Marge. Mais c'est surtout qu'elle a dû prendre un bon cachet. Hein. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Parce que comme la couverture de Playboy, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que t'as ses cheveux qui cachent le B de. Qui cache le Y de Play. Je crois que c'est. Faut la dessaper, Marge, quand même. Hein. Nelly Furtado, je crois qu'il lui avait proposé 100 000 $ juste pour apparaître dans Playboy. Ah, mais pas en couverture. Non, pas en couverture. Juste dedans. Ouais, c'est je sais plus à qui ils avaient proposé la double page en fait que tu déplies et où t'es en entier à poil. Ouais, c'est un poster quoi. Ouais, c'est un espèce de poster. En fait, ils avaient proposé un million de dollars pour être. Prendrais 100 000 $ pour poser nul en Playboy. Ouais, sans aucun problème. Même moins lui. Tout nu. Ouais, je m'en fous, attends. Ouais. 100 000 $ $100 000, bah c'est alléchant à mort. Hein. Encore Oui, mais il y a pas en plus, que. En plus, il y a Photoshop et tout, donc ouais. T'es tranquille. Et puis, quoi. Il y a rien à faire sur moi. Non, et puis ça va parce que Playboy c'est le porno classe. Enfin, classe. Ouais. Tu vois, c'est pas le truc, c'est pas les magazines où tu vois les meufs, les jambes écartées. Ouais, c'est la création, la vraie création. Bah, c'est de l'art. Hein. Non, Playboy, si, quand même. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Roberto, non, pas cette heure-ci. Ah, bah si, ma sœur. Non, plus tard. Si, Roberto, à tout à l'heure. Dans Playboy, il y a des meufs qui se touchent, qui se mettent. Ah, je sais pas. Mais c'est pas le truc. Alors, je confonds avec un autre magazine. Non, mais c'est. Il y a un magazine où il y a des nanas qui sont nues, effectivement, des stars. Mais c'est super joli à chaque fois et c'est pas vulgaire. Non, mais c'est magazine Playboy. Photo souvent qui est comme ça. Mais... Non, mais il y a Playboy aussi. Ouais, c'est mais, Playboy, mais, ouais. Mais en l'occurrence, il y a aussi des trucs un peu plus hard. Mais ça reste propre. C'est vrai pas dans Playboy. Mais c'est pas les stars qui font ça, quoi. Non, mais c'est vrai que si les stars de Playboy, effectivement, elles posent pas avec un. Ah non, non, ça c'est sûr, effectivement, je te confirme. Bon, allez, après cette petite discussion, ma foi, fort sympathique. Oui. Voilà. Nous avons Jean-Luc et Laurent qui sont là tous les deux. Comment ça va? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça va, et toi? Salut tout le monde. Salut. Gagnant les ces deux des quatre finalistes de cette semaine qui auront peut-être la chance de partir direction LA, Los Angeles. Donc pression. Exactement, grosse pression. Voyage pour deux personnes à LA, transport et hébergement avec les entrées pour le parc Universal Studios et un stage de conduite à la Fast and Furious à la LA Stunt Driving School. Pour ce faire, c'est facile. Attention, on va commencer par pile ou face, Jean-Luc. Allez, pile. Attends, on va faire la vraie, comme ça on va voir qui commence, il n'y a pas de tricherie comme ça. Hop là. Donc t'as dit pile, Jean-Luc? Ouais, pile. Attends, je vais essayer de rattraper la pièce. Hop là. Oh, le vieux pile. Oh, le vieux pile ou face que t'as fait. Quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Avec ton doigt. Là, tu l'as acheté n'importe comment. Ah, il y a des gens qui savent pas le faire. Comme ça, avec le doigt. Avec le doigt. Ah non, mais après, je l'envoie chez Roux. Mais non, mais je vais pas te la voler. Hop là. Mais non, elle tombe comme ça. Allez, hop. Ouais, on a perdu la pièce. C'est pile. C'est pile ou face? Il faut la retourner sur ta main. Hein. C'est pile, alors c'est face. Et alors là, il y en a un qui te déteste là. Non, vas-y. C'est ça la règle. Non, attends, regarde, je vais faire ça. Hop là. Merde. Bon. Ça fait tourner. Merde, putain. Ça va finir au chifoumi, putain, ça. Hein. Pas. Voilà. Attention, là, voilà. Là, je la fais tourner. Et c'est pile. Mais il faut la retourner. Mais non, pas quand il fait ça. Arrête. C'est pile. Non, là, c'est bon. Là, je l'ai fait tourner sur elle-même. Il faut pas la retourner. Bon, c'est pile. Donc, c'est Jean-Luc qui commence. La règle du jeu est simple. Allez, j'écoute. Non, mais il dit c'est parti. Comment on fait pour gagner alors? Je vais te poser 5 questions, Jean-Luc. Ouais. D'accord. Il faudra que tu répondes, évidemment, à 5 questions, de préférence 5 fois par la bonne réponse, évidemment. D'accord? Ouais, tout à fait. Ouais, le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si tu réponds correctement aux 5 questions en 29 secondes, par exemple, ok? Ouais. C'est un exemple. Laurent devra répondre à ces 5 mêmes questions, enfin, à 5 autres questions, mais à 5 questions également, en moins de 29 secondes. D'accord, ça va être chaud, quoi. Et s'ils n'ont pas les bonnes réponses? Ah bah ils ont perdu. Ah bah s'ils n'ont pas les bonnes réponses, ça fera 4, 3, 2, et puis celui qui aura le plus de bonnes réponses qui gagnera. D'accord? D'accord. Attention, Jean-Luc. Moi je joue pas, mais j'ai compris. Il y a une question très dure par personne. Ouais. Et une question très facile. Et les autres, elles sont à la cool. Voilà. Donc on y va, Jean-Luc. Qui fait le chrono? Parce que je peux pas le faire. Le chrono. Oui, bon, enfin, justement. Oh là, je. Attends, mais moi, je peux le faire, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai un chrono. J'ai un chrono. Bon, allez, vas-y, Sandro. Attends. Oh là là. Laisse-moi le temps. Vite. Maître Sandro, huissier de justice. C'est dans horloge? Oui, horloge, chrono, tu pousses sur start. Voilà. Oh là là. Un. Non, attends. On va. Trois. On est content, regarde. Deux. Un. Top, de quelle couleur est la Toyota orange de Brian dans Fast and Furious 1? Elle est orange. Bonne réponse. Quel rappeur joue dans le Fast and Furious 1? Waouh, quel rappeur joue? Alors là, c'est une bonne question. Ja Rule, ouais, comment s'appelle le gaz qu'ils utilisent pour améliorer la puissance des véhicules? Le NOS. C'est bon. Ok. Bon, à la fin du premier volet, quel personnage Brian O'Connor laisse-t-il s'échapper? Vin Diesel. Exactement. Non. Ah, il faut le. Non, oui, il faut le personnage. Ah, le personnage. Ah putain, c'est pas moi en plus. Non, mais alors là, c'est con. Hein. Putain, je me rappelle même plus de son nom. Dominique Toretto. Voilà. Fast and Furious 1, quelle voiture de ringard est tunée par le pro de l'informatique de l'équipe de Vin Diesel? Je m'en rappelle plus. Une Volkswagen Jetta. Stop. Alors, je vous propose juste un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Vaut mieux faire sur le nombre de bonnes réponses. Et après, on utilise le chronomètre s'il y a un ex-aequo. C'est ça. D'accord. Le concept du jeu. Bon, donc pour l'instant, bonne réponse. Non, parce que comme des fois, vous vous arrêtez, on sait pas trop. Oui, mais comme il s'est trompé, là, forcément. Bonne réponse pour Orange. Le NOS, on valide ou pas? Ouais, allez. On va laisser passer. Ah, c'est cool. Il aura que ça comme réponse. Ça fait donc deux bonnes réponses en 49 secondes. Allez, ok. Laurent, deux bonnes réponses en 49 secondes. Ouais, c'est là qu'on va voir si tu vas éjecter Jean-Luc ou si tu vas te faire éjecter toi-même. D'accord, il faut essayer quand même, hein. De quoi? J'ai du bonne chance quand même. Ah bah c'est bien, ouais, Jean-Luc, c'est faire plaisir, ça fait plaisir. Bon, ouais. En gros, pour gagner, là, déjà pour qu'il nique Jean-Luc, il faut qu'il réponde soit à 3 questions, ouais, soit à 2 questions, mais en moins de 49 Exactement. secondes. Exactement. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Enfin, tu es prêt plutôt, Laurent. Attention, t'es prêt, Sandro? Prête. Prête, pardon. 3, 2, 1, top. Que veut dire drift dans le titre Tokyo Drift? Glissade. Dérapage, c'est bon. Quel rappeur joue dans Fast and Furious 4? Indice, ce n'est pas Benny B. Je passe. Lil Bow Wow. Quel est le titre original du film Fast and Furious? Le titre original? Ouais. Allez, allez, allez. Je passe, je comprends pas la question. The Fast and the Furious, c'est ça le titre original. Ah, dans combien de Fast and Furious joue Philippe Diesel? Philippe Diesel ou Vin Diesel? 3. Non, aucun, c'est Vin Diesel. Ouais. Si tu devais te faire toute la saga Fast and Furious d'un coup, pendant combien de temps devrais-tu rester devant la télé? À 20 minutes près. 5 heures. 5h56. Stop. Eh, stop. De toute façon, je change pas là. Alors, attention. Ça fait combien de bonnes réponses, ça? Ça nous fait une bonne réponse. Ah, c'est dommage, au revoir. Ouais. Ah, ouais. C'est triste là, surtout que là, c'est. Qui c'est qui a écrit la question d'enculé sur Philippe Diesel? C'est moi, mais attends. Bah attends, tu l'as bien dit, joue Philippe Diesel. Philippe Diesel n'existe pas, donc. Ouais. C'est vrai, surtout que j'ai bien précisé ensuite que c'était Vin Diesel. Ouais, mais on t'a pas répondu. Ah ouais. Surtout que sur le principe, c'est une question archi simple. Ouais, pour la peine, mais quand t'es dans le stress là, tu vas aller vite, tu vas aller vite. C'est la même que la question avec le personnage, comment s'appelle le personnage, l'autre a répondu Vin Diesel, c'était pas bon non plus. Ouais, c'est vrai, au final. Vous êtes à égalité sur le coup, ouais. Bon, ben Laurent, malheureusement c'est perdu. Je suis désolé. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. Bon. Ça m'a déjà fait bien plaisir de passer à l'antenne, quoi. Donc, ouais, mais je peux comprendre. Cool. Enfin, personnellement, je serais content de passer à l'antenne, mais putain, je préfère aller à Los Angeles. Franchement, moi à ta place, je passerais un sale week-end. Mais bon, bah écoute, je suis désolé, mais tu reviens quand même quand tu veux, Laurent, d'accord? Ouais, y a pas de souci. Allez. Bon, allez, salut à toi. Salut, ciao. Allez, courage Jean-Luc. Ciao. Allez, tu vois, ça me met les larmes aux yeux. Cela dit, oh, ça va. cela dit, Jean-Luc pourrait décider, si jamais il y gagne, c'est un voyage pour deux personnes, de partir avec Laurent. Dans le même bisounours. Mais je suis pas sûr que ma femme elle apprécie. Hein. Voilà. Non, mais par contre, à mon avis, je pense pas. Les deux derniers là, ouais. Les deux finalistes, ouais. S'ils étaient un peu malins, oui, ils pourraient se dire, bah tu sais quoi, on part tous les deux, comme ça on est sûr de partir. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, bravo à toi Jean-Luc, on te reprend tout à l'heure. Allez, okay, merci. Ouais. Allez, merci. Ça va bien. Allez, se passer. Ciao à toi, ouais. Jean-Luc, et salut à toi Laurent, bon week-end quand même. Allez, à plus tout le monde, et au revoir. Ciao, bye bye. Ciao. Oh, bon, c'est chaud ce jeu. Il en reste plus que 3. Ouais. 3 en liste. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on fera la finale tout à l'heure, bien entendu, avant la fin de l'émission. Bon, après tous ces rebondissements, la Fast and Furious, tout ça, etc., et surtout Secret Storyenne d'hier, je pense qu'il est bon de parler un peu de people, et on commence avec R. Kelly. Ah oui, il a témoigné son soutien à Frédéric Mitterrand et Polanski, non? Pas du tout, en fait, il est passé aux aveux. Hein. Ah, mais il a avoué quoi? Bah, qu'il était teubé. Ah, maintenant faut faire son coming out pour dire qu'on est con. Voilà, en quelque sorte, ouais. En fait, R. Kelly explique qu'il ne sait pratiquement pas lire et écrire pour la simple et bonne raison qu'il a reçu ses différents diplômes uniquement parce qu'il était bon au basketball. Ouais, enfin, il a quand même écrit You're Not Alone, hein, de Jackson. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment. Mais c'est ça le plus drôle d'ailleurs. Hein. Le mec ne sait pas écrire parce qu'il était bon au basket et au final, il a jamais fait carrière en NBA, mais bien en écrivant des chansons. Voilà, c'est dingue. Bon, et puis autre info, la Valérie D'Amido sera l'une des représentantes du Salon du Chocolat. Et pour l'occasion, elle défilera aux côtés d'Hélène Segarra, notamment en portant des robes en chocolat. Ah, j'avais vu des robes faites en chocolat de l'année dernière. C'est magnifique. Donc, ouais. Valérie D'Amido, bientôt à poil au Salon du Chocolat. Quoi. Pourquoi? Bah attends, on la connaît, Valérie D'Amido, elle va la manger en deux secondes, sa robe. Oh. Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir Sandro à poil, offrez-lui une robe en chocolat. Ah, mais je prends juste une manche. Oui, mais je prends juste l'autre manche. Et puis, elle va descendre. Bon, et puis, on reste dans les robes, mais de mariée cette fois, puisqu'apparemment, Diam serait mariée depuis un mois sans avoir rien dit à personne. Ouais. Oui, coup de foudre, 2 mois, hop, mariage. Ouais, t'as vu, c'est un truc de fou quand même. Hein, et a priori, elle se serait aussi convertie à l'islam. Ouais, alors il semblerait, donc elle déclare que les médecins ne peuvent pas guérir son son âme. Alors elle se tourne vers la religion et elle est carrément apparue voilée et en robe traditionnelle. C'est pas plutôt pour cacher les rondeurs qu'elle a pris à son buffet là au mariage. Bah écoute, c'est pas impossible. Hein. Parce qu'on est tombé sur la maquette de la face B de son nouvel album et c'est assez appétissant. Hein. Énergie et McDonald's présentent le nouvel album de Miams. La reine du rap revient dans les bacs avec son nouvel opus, Sauce. Belle demoiselle aime les tagliatelles, les cuisses de poulet mais aussi les ailes avec Chamel et le cake à la cannelle. Mais si tu veux maigrir, faut que tu jeûnes demoiselle. Avec aussi sa chanson orientale en duo avec DJ Couscous, La Boulette. Alors ouais, j'ai toujours faim, ouais ouais, je pèse une tonne. Non, non, c'est pas mon mec qui me dira que je suis bonne. Je vous dis que je veux du rab, donne-moi une autre boulette. Sortez le couscous ou s'il n'y a pas une raclette. Et enfin, la version longue du morceau qu'il a propulsé numéro 1 des ventes de single, Enfant du dessert. Ouais. Alors je suis sorti de la voiture et je me suis arrêté à la boulangerie pour y prendre du pain dur. Ce n'est quand même pas ma faute si je peux rien manger nature. Eh, hey, tu manges ton éclair là? Bah ouais. Ok, merci, c'est cool hein. Voilà. Du rab. Enfant du dessert. Voilà, donc c'est la phase B. Hein. Qui risque de faire un petit carton. Ouais. Ça serait marrant. Ouais, un petit carton quand même. Hein. Bah, elle a l'air presque aussi bien que l'original. Hein. Mais oui, bien sûr. Et c'est là qu'on sent d'ailleurs qu'il y a une certaine lien familial avec Sandro hein, au niveau de la bouffe. Surtout. Est-ce que hein. je peux faire mon chieur? Vas-y. Ouais. On peut la remettre? Oh, oui. Oh, ouais. Fait. Non. Bon, allez. Oh. On la mettra dans 3 minutes. Yes. Voilà. Allez, bougez pas. On revient après ça. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Voilà le retour de l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit. On va mettre dans quelques instants, puisque le roux l'avait demandé. Je suis pas le seul en fait. Hein. Ouais. Sur ouais. SMS, il demande aussi. Ouais. C'est toi qui as envoyé chaque fois le message. Non, je t'assure. Non, il a surtout dit ça au pif parce que comment tu veux qu'il ait les SMS? Je suis allé voir. Il y a un message qui dit mort de rire, Miams, franchement, c'est excellent. Encore. Bisous à toute l'équipe, je vous adore. Bah, c'est gentil, merci à toi pour le message. Bon, 612, débuté par Mickaël avec prénom, âge et numéro de téléphone. On donnera dans quelques instants, on appellera le ou la gagnante qui repartira avec la toute dernière place pour le concert de Prince qui aura lieu dimanche à Paris. Et en attendant que Micha fasse le tirage au sort, nous avons Célie qui est là, ou Célia. Célie, d'accord, ok. Micha n'a pas fait d'erreur pour une fois. Comme quoi, tout arrive. Bon, 20 ans, Célie, comment vas-tu? Très bien. Bah, je salue toute l'équipe. Salut. Je vous adore, franchement. Bon, c'est gentil. Ça fait plaisir. Merci à toi, Célie. Bon, t'appelles du 50, Cherbourg, donc. Voilà, ouais. Très bien. Nous allons jouer au jeu, les amis. On va donc appeler une de tes connaissances, lui poser 10 questions à ton sujet. Si il ou elle répond minimum à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. D'accord? D'accord, oui. Allez, nous allons appeler qui? Marion, Ludivine, Clémence? Marion, c'est qui Marion par rapport à toi? C'est une de mes copines. C'est une de tes copines. Bon, bah, très voilà. Bien. Bon, on salue également Florian, Lisiane, Léo, Alexandre, Titou également, qui sont sur le chat si vous voulez les rejoindre. C'est sur mikl.fm. Voilà. Bon. Allez, on y va. On appelle Marion, Célie. Oui, bien sûr, ouais. Et puis, bon. Allô? Oui, allô, Marion? Oui. Salut Marion, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Bon, je t'appelle avec Célie pour le jeu des amis. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à 6 sur 10 minimum, c'est gagné pour vous deux. Allez, on se fait un bon resto. Si tu veux, Tex, y a pas de soucis. En plus, le roi a dit qu'il invitait. Bah, c'est beau. Je crois qu'il y a Micha aussi qui voulait un resto. Non, j'ai jamais dit ça. Bien. Bon, Marion. Oui. Je te pose 10 questions, tu as une minute, il faut que tu répondes forcément correctement, un minimum 6 sur 10. Si tu sais pas, tu passes et c'est considéré comme une mauvaise réponse et il faut répondre du tac au tac, ok? Ok. Allez, ça va bien se passer. Première question, attention, top, quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? Je passe. Un colis en forme de C. Oh, c'est laid. Ah oui. Mais qui c'est que t'a offert ça? Ah oui, Célie, c'est pour le C. Ouais, enfin, voilà, ouais. C'est pour ouais. ça, ouais. C'est ça, enfin j'imagine, hein. Ouais, oui, ça doit être pour ça. Pourquoi tu rigoles comme une dinde? Parce que sur Direct 8. Oh putain, quelle horreur! Sur Direct 8, il y a les commentateurs télé et ils ont des casques. C'est Vincent Guérin, l'ancien du PSG à droite, et Alexandre Delperrier. On dirait des extraterrestres. C'est pas de leur faute, ils sont à Malte. Et à Malte, la télévision, ils ont ça comme équipement. D'ailleurs, à Malte, il n'y a pas de supporters. Hein. Ouais, ils ont une belle veste. Est vide. Ouais, le stade est vide. Bon, excusez-nous, nous avions fait. C'est Malte France, quoi. Oui, nous avons, oui, c'est vrai. Nous avons fait une petite parenthèse footballistique. Mais ça, c'est Sandro qui a insisté. Bon, on y retourne. Deuxième question, attention, vous êtes prêtes? Oui. Allez, quel métier aimerait-elle faire dans l'absolu? Styliste. Comment? Styliste. Styliste, bonne réponse. Si elle était un animal, elle serait quoi? Un guépard. Oui, bonne réponse. Si elle était un chien, elle l'appellerait comment? Blackie. Non, Shadow. Ouais, c'est pas mal. Si elle était une loi existante ou pas, laquelle est-ce qu'elle serait? Ça, c'est la question de merde, ça. Je sais pas. Laissez les jeunes faire ce qu'ils veulent. On voit que tu n'es pas encore maman, Célie. Tu verras plus tard comment ça va se passer. On voit que t'as pris un coup de vie. Non, mais pas du tout. Mais tu vois, ça va être anarchie, sinon. Ouais. Et regarde, laisse le roux faire ce qu'il veut. Oh, bah, le monde sera beaucoup plus beau. Tu parles. On serait surtout avec des antibrouillards sur la tête pour voir. C'est ça, le monde serait plus avancé. Ah ouais, c'est clair, ouais. Alors, attention. Hop, encore une question. Attends, c'est quoi? C'est quoi la pire honte de sa vie? Ah, c'est de casser la gueule sur la porte de son lave-vaisselle. Oui, effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Céline? Ben, en fait, je voulais faire peur à une de mes sœurs et j'avais éteint la lumière de la cuisine et j'ai oublié que la porte du lave-vaisselle était ouverte et je me suis pris les pieds dedans, je me suis cassé le bras, en fait. Ah oui, carrément, cassé le bras. C'est bon, le lave-vaisselle, il a rien? Non, le lave-vaisselle, il a rien. C'est le principal. En même temps, ça devait être certainement un Bosch bien dur. Blowpunkt, effectivement. Bon, question suivante. Est-ce qu'elle aime l'odeur du parfum de la frite? Non, effectivement, c'est une bonne réponse. La friture. Mais où est donc Ornicard? Aux chiottes. Oui, aux toilettes. Oui. Bonne réponse. Est-ce qu'il lui arrive, pardon, de regarder dans son mouchoir juste après s'être mouché? Oui. Oui, bonne réponse. Allez, petite dernière. Quelle est la chose la plus ignoble qu'elle ait mangée? Des insectes. Non, des croquettes pour chiens. Ah oui, nous aussi. Eh ouais, oui, on a déjà eu l'occasion de tester et. Ça n'est pas très bon. Ouais, ça n'est pas très très bon, effectivement, ouais. Bon, 6 sur 10, bravo, c'est le minimum syndical, mais c'est gagné. C'est gagné, ouais. Ouais, okay. Pas mal. Bon, bah bravo les filles, on va vous renvoyer chez Micha au standard, vous allez donner vos coordonnées et puis on va vous envoyer votre cadeau. D'accord, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, Marion. Alors, je voudrais faire une dédicace à Rosemary, à tout le lycée de Coutances, et puis à toute l'équipe d'énergie. Vous êtes géniaux, enfin, vous êtes géniaux plutôt. Oui, vous écoutez, ouais, les soirs et puis vous êtes super drôles. Enfin, continuez comme ça. Merci pour tout. Hein. Toutes les soirées que vous nous faites passer. Enfin, avec grand plaisir, Marion. Moi aussi, je peux passer une dédicace? Vas-y, Céline. Bah, je passe une dédicace à toute la fac, l'UFR de LEA de Cherbourg, petit patelin de merde. Et puis, bah, à vous aussi, je vous adore. Et puis, bah, depuis que j'ai emménagé, c'est une. Je suis trop contente de vous avoir parce qu'au moins je me fais pas chier le soir. Voilà. Oh, c'est gentil. Bah, voilà. Tu devais vraiment te faire chier avant. T'as emménagé où? Oui, ouais. J'ai emménagé à Cherbourg justement. Bah, j'ai quitté mes parents et puis j'ai pris mon indépendance. Et voilà. Et t'habitais où avant? Après tout, Sainte-Suzanne, c'est dans le trou du cul du monde. Ah oui, donc c'est bien Cherbourg. Ouais, ça doit être pas mal. Ah ouais, par rapport à l'autre, ouais, ça c'est clair. On va aller sur Paname là maintenant pour elle. Bon, gros bisous les filles. Oui, gros bisous à vous. À bientôt, salut à vous, bye bye. Bon ben voilà, retour du jeu des amis la semaine prochaine, lundi dès 21h. Au paquet de rêve, les gars, tout au bien. Voilà, c'est du portugais. Et vous avez encore quelques secondes pour vous inscrire pour Prince choper la dernière place pour le concert de dimanche soir. Ça se passera à Paris, 6, 11, 12, débutez le message par énergie, puis vous mettez Prince avec votre numéro de téléphone et votre prénom. Si vous avez la bonne réponse, bien sûr. Non, mais je voulais pas couper la chic à Prince. Si vous avez la bonne réponse, quel était l'ennemi juré de Prince? Vas-y. La bonne. Il faut. Pour envoyer le SMS, il faut faire quoi? Comment ça, faut faire quoi? Faut faire quoi? C'est le code énergie. C'est quoi le code? Énergie. Ah, c'est pas le code de Mickaël? Non, voilà. Sinon, ils étaient gagnants d'office. Voilà. Oui, bah c'est un bon indice. Ouais, certes, c'est vrai. Bon, bah voilà, on va prendre le pourquoi gagnant. Pourquoi t'as le même chanson de la dans quelques celui-là instants. Il est bon celui-là. Bon, on l'a mis il y a pas longtemps, on l'a mis il y a 3 semaines, Prince. Ah ouais, ça avait été demandé par je ne sais plus qui est l'invité, mais il l'avait demandé. Oh, j'ai un bon son de la cave. Oh là. Ah, bah, vas-y, prends sur ton iPhone. Non, mais Little Susie de Michael Jackson. Il est vachement bien. Ouais, il est vraiment bien. Ouais. J'aime bien Michael Jackson, mais sincèrement, autant moi comme beaucoup de monde, je pense qu'il y a un moment il faut pouvoir le laisser reposer en paix. Ah mais attends, mais justement, et après se faire plaisir à remettre du Michael Jackson parce qu'on a tellement été saoulés. Lequel j'aimerais là. Qu'on mette. Ouais. On l'a entendu, on l'a jamais entendu. Pourtant, il est vraiment bien, c'est History. C'est vrai. J'adore ce son. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est vraiment magnifique. Là, il est en mode, il s'en branle. Ah oui, je sais, oui. On va j'aimerais Anthrax et merde. Sinon, je crois que l'euro, il voulait remettre Miams. Ouais, sinon, il y a Miams. Hein. Mais, ah oui, oui, bah ça, on va remettre. Hein, ah, et public ennemi, Anthrax et public ennemi. Tout à fait, bah t'as un iPhone comme tout le monde, non? Non. Tu mettras dans ta voiture. Quel chieur. Bon, allez, réécoutons la prod sur Diams, la face B, donc hein, la face cachée du nouvel album. Énergie et McDonald's présentent le nouvel album de Miams. La reine du rap revient dans les bacs avec son nouvel opus, Sauce. Belle demoiselle aime les tagliatelles, les cuisses de poulet mais aussi les ailes avec Jamel et le cake à la cannelle. Mais si tu veux maigrir, faut que tu jeûnes demoiselle. Avec aussi sa chanson orientale en duo avec DJ Couscous, La Boulette. Alors ouais, j'ai toujours faim, ouais, ouais, je pèse une tonne. Non, non, c'est pas mon mec qui me dira que je suis bonne. Je vous dis que je veux du rab, donne-moi une autre boulette. Sortez le couscous ou s'il n'y a pas une raclette. Et enfin, la version longue du morceau qui l'a propulsé numéro 1 des ventes de singles, Enfant du dessert. Alors je suis sorti de la voiture et je me suis arrêté à la boulangerie pour y prendre du pain dur. J'ai même mis la confiture. Ce n'est quand même pas ma faute si je peux rien manger nature. Hé, hey, tu manges ton éclair là? Bah ouais. Ok, merci, c'est cool hein. Et bon appétit, bien sûr. Bon, en parlant de bon appétit, on recevra dans un instant un grand chef cuistot. Transition. Bah ouais. Oui, mais c'est vrai. Ah, elle était belle. Un grand chef cuistot, donc pour faire plaisir à Sandro, qui va peut-être lui apprendre à faire un régime idéal. C'est surtout pour nous donner des recettes de plats pas chers. Pas cachers et pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Enfin, cachers aussi, pourquoi pas. Et facile à faire. Et facile à faire, effectivement. Facile à faire, pas cher et qui font pas grossir. Ouais, ça va être dur. La barre est haute. La barre est très haute. En même temps, il est étoilé. Hein. Ouais, il est étoilé, c'est vrai. Il était. On a un KitKat avant qu'il arrive parce que sinon, on va être en allure. Bon, le gagnant ou la gagnante pour Prince dans tu un instant. Fêté le week-end. Le temps d'écouter. Mais tu fêtes le week-end tout le temps. Mais non. Tu fêtes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Hier, non, j'ai pas fêté. Hier. Oui, bah oui. J'ai rien fêté hier. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Allez, Martin Solveig qui arrive, Boys and Girls. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça. Pardon, c'est pas moi, j'étais pas prêt. J'étais il est cut, hein, Martin Solveig. Voilà, je discutais, j'étais à la cool. C'est zizir, quoi. C'est vendredi. C'est ça, ouais. Bon, bah c'est pas grave. Martin Solveig à l'instant avec Boys and Girls. Martin Solveig qu'on avait reçu il y a pas longtemps d'ailleurs. Et qui. Les photos, pardon, sont disponibles sur mikl.fm, photos et vidéos. Allez-y si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le gagnant dans un instant pour Prince Micha, c'est pas possible d'être aussi lent. Ça fait 20 minutes qu'on aurait dû l'appeler. Oui, bah attends, j'appelle. Non mais c'est pas possible, tu te crois où là? On a le temps. Attends, on se croirait sur l'énergie. On finit à minuit. Oh mais ça va, on a le temps, tout roule. Bah, l'émission jusqu'à minuit, même le polo show bien plus loin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai dit que le gagnant il partirait à 21h30. Au rythme où on est parti, justement, ce sera même pas polo, ce sera Nico qui va le donner, le gagnant. Tu veux un rhum? Tu as un peu de rhum? Ah ouais, je veux bien, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, heureusement qu'on bosse pas sur l'énergie Martinique, hein. C'est-à-dire que le gagnant, il est arrivé dans 6 mois. Après la... cliché. Non, mais attends, mais t'as vu Micha qui habite ici, bas? Ah, c'est vrai, il est long. Ah oui, c'est déjà va, ici. Le conseil, c'est dimanche, Doudou, bonsoir. On a le temps. Pourquoi tu le stresses comme ça, mon petit? Regarde, ouais. Voilà, là, il est sorti faire un tout tellement tu l'as énervé. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, téléphone. S'en fout, il va te téléphoner. Putain, on attend personne. Non, mais c'est dingue. Le mec, il se barre. Il s'en fout, hein. Et il est là, il part dans le couloir. Ouais, ah, bah oui, mais enfin bon, écoute, alors, c'est-à-dire, je parle à ma mère, hein. Elle m'appelle des îles, là, vous comprenez avec le prix que ça coûte. Ah oui, mais c'est normal, Micha, faut pas le stresser comme ça. Regarde ouais, c'est le ça, pauvre. Ouais, ouais, le pauvre, le pauvre. Mais on s'est couché, mamie. C'est ça, attends, juste un truc. Célie. Oui. Qui jouait tout à l'heure au jeu des amis. Bien sûr, Micha a déjà pris tes coordonnées, hein. Non, pas encore. Oh, mais c'est fait oh mon Dieu, minutes. Mais c'est honteux. Mais Micha, mais quoi. Oui, mais attends, il était occupé, il y avait le téléphone, il sonnait. C'était ça, c'est ta rhum ou quoi? C'est ta mère? Putain, non, mais c'est vendredi. Il a installé un bouton pour ouvrir son micro parce que ça me saoule à chaque fois. Pourquoi ne pas raccrocher avec elle au lieu de la faire patienter et la rappeler plus tard? Parce qu'il va oublier. Parce que j'étais occupé. Non, parce qu'il va oublier. Ah oui, parce qu'elle va me raccrocher. Non, parce qu'il va oublier. Vaut mieux qu'elle reste dans le standard, comme ça il voit. Voyez, là, ah oui, c'est vrai. Là, tu me fais perdre du temps. Oh, l'autre téléphone à Sarum dans les îles. Là, non, mais il a raison. C'est ça, ouais. Bon, Célie et Marion, gros bisous. Et bon courage, hein. Merci. Bon courage pour l'attente. Oh là là, c'est dingue ça, quelle lenteur. Mais voilà. Quelle lenteur. Mais surtout, quelle organisation. Ah ouais, ça il c'est. Il est pas long, il est à son rythme. Ouais. C'est un autre problème. Mais c'est ça le problème. Bon, allez, aujourd'hui, dans. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis tout seul, tu veux que je fasse comment? Arrêtez de vous plaindre. Oh. Eh ben, partage ton salaire et Leroux vient t'aider. Ah, ben, voilà. Il va plus me rester grand chose. Ton scooter. Donc je disais aujourd'hui dans Tournée Manège, du côté des femmes, elles étaient trois, Stéphanie, Amandine, et Sandrine. Et deux hommes, Christophe et Francisco. Ah. Et voilà, on va commencer avec Francisco. Donc Amandine lui pose une question musicale et apparemment il ne connaît pas ses classiques. Hein. Francisco, oui. Si tu devais écrire une chanson, quel titre lui donnerais-tu? Que je t'aime, de My Brandt. Voilà. Donc heureusement Koé, qui lui a une grande culture musicale, vient aider Francisco qui persiste dans son erreur. Hein. Attendez, que je t'aime, c'est pas My Brandt. Si, My Brandt, c'est Laisse-moi t'aimer. Oui, c'est Laisse-moi t'aimer, c'est vrai. Que je t'aime, c'est Johnny. Voilà. Oui, c'est vrai, en plus, toi, je me suis trompé. Et vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pas de part ni dans My Brandt ni dans Johnny. Hein. Alors, on prend lequel? Bon, on va dire My Brandt. D'accord, d'accord. Laisse-moi volontairement t'aimer toute une nuit, voilà. Laisse-moi je t'aimer toute une nuit. Ah oui, on a compris, ouais. Et il voulait faire une autre chanson qui s'appelait Voir plus, mais bon, il a pas eu le temps. Bon, et donc Christophe est lui prof de tennis, hein, mais il est aussi mannequin, mais pas n'importe quelle sorte de mannequin. Koé veut en savoir un peu plus. Je suis, on va dire, modèle pour des photos et ah oui, c'est moins pour des défilés. Wow. C'est moins mais sportif. Mais ça demande un entretien. Mais uniquement à but humanitaire. C'est dans le cadre d'une association, un projet humanitaire, voilà. C'est marrant ça. Mannequin humanitaire, c'est rare. C'est sûr. Hein. Mannequin, toi, tu pourrais faire aussi mannequin. Moi, c'est les causes humanitaires qui me prendraient comme mannequin. C'est pas du tout pareil. Mannequin sans frontières. Voilà, c'est ça. Bon, et Stéphanie demande à Francisco donc s'il a un côté gamin. Et écoutez bien son rire. Est-ce que tu as un côté gamin? Oh oui, complètement. Bien compris. Oui, ah, moi, je suis vraiment gamin, toi. Ah, c'est-à-dire, vous avez gardé des jouets, des collections de voitures. Allez, vous pouvez, je déconne. Il est à fond, lui. Il a la joie de vivre, ça fait plaisir. Non, mais réécoutons le rire de Francisco. C'est pas mal. Bon, et le grand moment de Tournée Manège, c'est la question qui balance. On écoute Koé qui pose la fameuse question. Si vous deviez conseiller une opération de chirurgie esthétique à votre voisin, quelle serait-elle? Voilà. Et donc, Christophe et Francisco donc, donnent leur réponse, mais on s'attendait à un peu plus d'agressivité malgré tout. Hein. Quelques centimètres en plus. C'est pas la plus facile que vous lui demandez là. Quelques centimètres en plus. Oui, mais de taille, je parle. Quelques centimètres de. Pardon, parce que autant il est plus facile d'agrandir ça que d'agrandir le corps. Mais bon, c'est comme vous voulez. Francisco, oui. On regarde Christophe. Bah, je vais dire pareil parce qu'il fait la même taille que moi donc. Sans rire. On voit tout de suite que les filles sont beaucoup plus agressives. Hein. Ouais. Bon, et là, je pense que ça va être drôle donc. Hein. Allez, Roux, quel conseil de chirurgie esthétique tu donnerais à ton voisin Toff? Ouais, mais là, un conseil, putain, il faut choisir. Un seul, Roux, tu ne peux pas en donner plus. Tu sais, c'est un peu comme si tu es dans un bâtiment, qu'il faut changer les fenêtres, le toit, la porte, ouais. Et tu dois choisir qu'un seul truc pour passer l'hiver, tu fais quoi, tu vois? Pas le budget, t'es obligé de choisir. Voilà, bon alors. La chirurgie esthétique, mais... Il y a la greffe du visage, hein, c'est... Ça y est, hein. Non, font, hein. C'est méchant. Une réduction du nez nasal. Très bien. Assez protubérant. Toff, tu donnerais quoi comme conseil à Sandro? Une augmentation mammaire. Encore? Bien sûr, au moins deux tailles. Mais bientôt, on n'arrivera même plus à l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a son micro qui va être là et c'est ça, on peut se reparler. Ce sera parfait. Elle mettra ses Kit Kat, tu sais, dessus. Ce sera une table. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Jack? Jack, il a pas grand. Enfin, la dentition. Ouais, j'emmènerai Micha avec moi. Très bien, donc là le conseil est passé aussi pour Micha, c'est fait. Micha, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Ah oui. Attention hein. Non, c'est juste une question d'humeur peut-être. Non, c'est esthétique. C'est pas esthétique, chirurgie esthétique. Non, les poils, hein, toujours pareil quoi. Les cheveux noirs. Les cheveux, oui. De l'implant. Quoi, les cheveux noirs? Ouais, ou une teinture au moins. Non, t'as un problème avec tes cheveux. J'ai pas de problème avec mes cheveux. Mes cheveux vieillissent plus vite que toi. Ça n'a rien à voir, Micha, mais avec quoi tu viens? Je n'ai pas de problème de cheveux blancs. Si. Non, tu n'as pas de problème, mais tu le constates. Hein. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, ils deviennent de plus en plus noirs. Oui, on le voit. Ouais. C'est vrai? Oui. Mais tout à fait. Bon, revenons à Tournée Manège. Donc, hein. Christophe, maintenant, pose une question à Stéphanie sur les poils. Pour toi, un corps sexy et désirable, c'est un corps épilé ou poilu. Voilà. Corps sexy et désirable, c'est épilé ou poilu. Voilà. Et donc, Stéphanie aime le poil, mais pas n'importe où. Hein. Ça dépend quelle partie. Ah. Alors, on va faire simple. D'abord. Quelle partie vous voulez voir des poils, quelle partie vous voulez pas en voir? Alors, sur le torse, ça me dérange pas trop, un tout petit peu. Après, c'est plutôt sympa quand plus bas, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Très bien. Et après, il faut que ça reprenne sur les jambes. Ah ouais, sur les jambes, sinon c'est pas masculin. Ah ouais, sinon, c'est sympa quand même. Hein. Poil, pas poil. Poil, pas poil. Ça va. C'est un état. C'est un peu ça, effectivement. Voilà, donc c'était tournée manège, donc. Hein, et en fait, ça fait un moment que ce n'est pas arrivé dans tournée manège, mais Stéphanie repart main dans la main avec Christophe. Wow. Et voilà, c'est ça aussi, tournée manège. Voilà. C'est beau, par c'est contre, il y en a. Il y en a qui ne sont pas prêts de se remettre ensemble. Hein. C'est une triste info, mais ça y est, c'est officiel. Le groupe Oasis n'existe plus. C'est Liam Gallagher qui l'annonce aujourd'hui suite au clash avec son frérot. Eh ouais, ouais. Il va créer un autre groupe en fait, mais sans Noël, ça s'appellera Pulco. Oh. C'est possible, bon, puisque Liam nous explique, c'est bien de te rendre compte. Liam nous explique aussi qu'il continuera la musique jusqu'à sa mort, mais plus avec son frérot. Hein, et puis celui-ci n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. David Guetta est partout dans l'actu. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est aujourd'hui que sort le jeu vidéo DJ Hero, donc hein, le même concept, donc Rock Band ou Guitar Hero, mais pour DJ en fait. Encore un jeu qui va bien vénir les parents et bien rendre idiot les gamins. Ouais, c'est possible. Surtout qu'après toutes ces années de fêtes, à vivre la nuit et à voyager partout sur Terre, ça a dû légèrement lui attaquer les neurones à David Guetta. Écoutez. Énergie présente le nouvel album du plus célèbre DJ français, le roi des soirées Fuck Me I'm Gogol. Il revient dans les bacs avec son nouvel opus, en vente libre dans tous les bons marchés opus. Inclus le remix de When Love Takes To Be. Oh bah non, j'ai fait tomber la musique. Et aussi son tube en duo avec les connes, Sexy Beach. Oh bah non, j'ai cassé la musique. Et enfin la version très courte du morceau qu'il a propulsé numéro 1 des ventes de singles, Love is Gogol. Oh bah non, non et non alors, j'ai débranché la musique. David Guetta en live, un événement énergie. Pour le coup, on va dire que c'est fun radio. Bah non, j'ai cassé la radio. Et on peut remettre un Oscar au débile. Ouais, je sais pas qui c'est, mais il y a une bonne bon rire de con. Il le joue super bien. Ouais, on sent qu'il y a de l'expérience. Bien, quoi. Il est naturel. Hein. C'est un vrai, il est naturel, tout ça, nos malaises. Hein. Ouais. Bon, il y a des messages qui sont arrivés tout à l'heure. Là, pouvez-vous faire un résumé de vos prix Nobel? C'est Erwan, 19 ans du 49. Nous ferons ça, bien sûr. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de malaise. On fera ça tout à l'heure. Bon, avant de parler cuisine, dans quelques instants, Sandro s'impatiente. Nous allons nous faire péter le son de PZK maintenant. Les filles adorent. Voilà le son de PZK à l'instant. Les filles adorent sur Énergie. Et avant de parler cuisine, on va filer la place donc pour Prince. On l'appelle maintenant le ou la gagnante, le ou la ou le sélectionné. Attention, on appelle. On appelle. Oui, allô ? Nathalie ? Oui ? Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien, tant mieux. C'est une chanson qui donne envie de vous voir. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça donne pas envie que de les vous voyez, là. Oui, non, c'est ça en fait. Hein. Bon, non, mais c'est sur... Tu es sur quoi ? Non, France Musique. Nickel. On va t'offrir des places pour un concert. Tu vas t'éclater, ça va durer 6 heures et il n'y aura pas de musique. Il y aura 3 notes. Ça va être génial. Bon, Nathalie, quel est l'ennemi juré de Prince ? Quel était l'ennemi juré de Prince ? Notre défunt Michael Jackson. Eh oui, Michael G, paix à son âme. Eh ben, on va te filer ta place, Nathalie. Tu vas donc aller mater le concert de Prince à Paris au Grand Palais. C'est dimanche soir. C'est génial. Merci bah, j'espère bien que c'est génial parce que, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient en train de pleurer. Il y en a qui pleurent, là. Ah ouais, ils ont acheté leur place et tout. Quand j'ai vu les places ce matin à 11h, j'ai fait bon, bah laisse tomber. Ouais, par contre, à 11h, 1 minute et 17 secondes, il n'y en avait plus. Hein. 77 secondes, ça a pris pour tout 77 secondes. 77 secondes et tout était parti. 77 minutes, je dis de la merde, autant pour moi. Mais ça aurait pu être. Ça aurait été un record. Ça aurait pu être. Bon, il y avait quand même 11 000 places qui avaient été mises en vente dès ce matin dans plusieurs endroits à Paris et sur le site aussi. Donc tout est parti en 77 minutes, pardon. 150€ pour une place assise, 100€ pour une place debout. Ça va quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, Bon bah écoute Nathalie, je te fais des gros bisous, amuse-toi bien et puis si tu peux faire des photos, t'en fais et tu m'envoies ça, on mettra sur le site sur vidéo et je t'envoie ça. Voilà, mikaelatenergie.com. Bisous Nathalie. Merci. Ciao. Allez, amuse-toi bien. Ça, ciao. Il fait deux concerts dans la même journée parce qu'en fait, il est tombé amoureux de l'endroit. Exactement. Et il adorait la lumière qu'il y avait pendant la journée et donc il voulait faire un concert à 17h aussi. Voilà, et donc 17h et il en fait à l'autre à 22h je crois, un truc comme ça ou 21h, je sais plus. Donc voilà, bon bah amusez-vous bien ceux qui ont les places et puis on en parlera lundi. Pour voir si vous avez kiffé ou pas. Voilà Prince, c'est terminé. Allez, ciao. Bon, alors voilà, ce soir on en parle. Sandro était impatient, donc hein, nous recevons Gérard Cagna, donc très grand chef cuisinier étoilé, s'il vous plaît. Faut dire ce qui est. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Super. Bon, très bien. Sosie officielle de Monsieur Propre. Ouais. Oh, un petit peu, c'est vrai. Il y a quelque chose. Avec des gros biscottos. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, s'agit pas de faire le malin. Liste. Oui, il faut être drôle. Ah bah, t'es mal tombé alors hein, chez nous. Hein. Bon, donc Gérard est là pour nous filer plein d'idées pour cuisiner bon et pas cher. Et il est donc le bienvenu. Donc, hein. Alors, je vais quand même te présenter l'équipe histoire de savoir un petit peu à qui tu as affaire. C'est comme la moindre des choses. Alors, voici le roux qui est donc là, ici présent. Alors lui, va clairement falloir lui filer un coup de main. Donc, tu vois, Gérard, donc il y a des mecs qui accompagnent leur plat d'un petit verre. Bah lui il accompagne ses verres d'un petit plat. Voilà. Donc il faut vraiment l'aider. Il y a Tof, où est-ce qu'il est, Sidio, encore? Il est jamais là quand il faut. Bah, il arrive. Non, tiens, voilà, pas. Il descend l'escalier, il arrive, il rentre. Donc là c'est justement et il se barre. C'est où Tof? Oh là là là là. Bon bref, il arrive. Et donc Tof, donc c'est le seul de la bande qui assure en cuisine. Alors du coup, forcément on lui fait des petits compliments sur ses plats et bah il y retourne évidemment. Hein. Donc on en profite un petit peu. On va dire ça comme ça. Et donc elle, Sandro. Donc on évoquera tout ça tout à l'heure. Mais Sandro vit un terrible drame depuis des années. Elle est au régime. Voilà, donc une vraie catastrophe. Hein. Et donc le problème c'est qu'elle est poursuivie par une horde de pots de Nutella. Et donc ça aussi c'est un drame, mais tu auras l'occasion d'en te rendre compte tout à l'heure. Et puis donc là-bas derrière les boutons c'est Jack, donc c'est le gendre idéal, il cuisine, il range quand il a terminé. C'est vrai. Et même il te sert. C'est le vrai. Problème c'est que c'est pas toujours très bon et surtout on n'est pas très souvent invité. Donc forcément on a un peu de mal. Et puis Gérard, je pense que nous avons fait le tour de tout. Et donc c'est avec nous que tu vas donc essayer de faire des miracles, hein, on va dire ça comme ça, pour la semaine du goût qui démarre demain. Alors est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée de démarrer une semaine un samedi? La semaine du goût commence officiellement lundi matin au Trocadéro. D'accord. Quand 150 à 200 grands chefs vont se retrouver pour la belle photo et ensuite partir chacun dans des écoles, dans des classes ou dans les endroits où il y a du public pour apporter non pas la bonne parole mais donner du sens au goût. Du sens au goût. Ça va? D'accord. Non, mais très bien, non, t'inquiète pas. Non, hein. Ça veut dire que dans des bahuts, tu vas aller à la cantine faire à manger. Comment dirais-je, cette semaine doit permettre à des jeunes gens, des jeunes filles, des adolescents, des étudiants, de se dire que aller vers la cuisine, ça peut être intéressant à la fois pour découvrir. On parle de métissage, on parle de saveur. Ça fait 30 ans qu'on dit aux femmes qu'elles doivent s'émanciper de la cuisine. Oui, mais le problème, c'est que la cuisine reste quand même une forme de culture. C'est vrai. Et justement, même si on tire à boulet rouge sur les jeunes qui bouffent mal, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils bouffent mal parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de manger mieux. Et puis que c'est vrai que tous les jours à Paris, entre Roissy et Orly, on nourrit 5 millions de personnes. Bon, il faut que ça aille vite. Il faut se débrouiller. Il faut que ce soit pas cher. Il y a quand même des paramètres. Il y a plein de paramètres. Donc, l'idée de la semaine du goût, c'est de donner envie d'aller vers les légumes frais, de faire la cuisine, pas tous les jours bien sûr, on se doute bien que les gens ne vont pas faire la cuisine tous les jours, mais de ne pas perdre cette notion de produits frais, de cuisiner, de partager, de se retrouver comme beaucoup font maintenant d'ailleurs, il y en a qui se retrouvent à 5-6, des couples, et puis il y en a qui fait l'entrée, il y en a qui fait le plat, c'est devenu très mode en plus, c'était devenu ringard, vous avez raison jeune homme, les femmes... Jeune homme, tof, jeune homme, surtout qu'il est vieux aussi, donc... Il est vieux aussi, ça veut dire quoi, c'est les vieux aussi jeune homme, il est vieux. Quand même. Non, mais c'est vrai, l'émancipation, c'est une chose, mais faire à manger, se mettre au fourneau, de tailler les légumes, ça a aussi un sens. Voilà. Et d'accord. Gérard, montre l'exemple, puisqu'il boit du coca. Mais tout à fait. À part toi, ici, il n'y a pas grand monde qui cuisine, en fait. Mais si, moi. Non, arrête de mentir. Hein. Tu cuisines ta tomate et ta mozzarella. T'as tellement la flemme de cuisiner que tu préfères ne pas manger. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est parce que j'ai pas faim si je mange pas. Oui, sinon, je mange une tomate mozza. Des complexes ou des trucs comme ça. Tomate mozza. J'en mangerais hein, si le roux ne dévalisait pas ma boîte et qu'il faisait la laisse ouverte. Moi, je la laisse ouverte. Prenons l'avis d'un spécialiste sur ce que tu manges. Ouais. Donc, en fait, il achète, je sais pas si tu vois ce que c'est, ces petites barres, genre spécial K, tu sais, tout. Ça fait longtemps que je mange plus ça. Bon, c'est quoi les trucs en triangle là, c'est pareil. Oui, c'est spécial K, mais ça fait longtemps que je mange plus ça quand même. Hein. Ah bon, ça fait. Non, mais j'oublie de m'acheter. Ah oui, voilà, c'est pour ça. C'est juste ça. Donc, que penses-tu de cette nourriture saine et équilibrée? Le problème, c'est qu'il faut en fait, varier. D'abord, il faut varier. Voilà. Et tout à l'heure, quand j'arrive de mon Vexin français à 40 km de Paris, j'ai mis votre belle chaîne en route et j'ai entendu notre ami Sandro. Sandro. On dit Sandro, c'est pour ça que je pensais que c'était Sandra, moi. C'est Sandro. Comme déjà. Tu veux, non, comme ouais, tu veux. Sandro, c'est bon, ça me va. Qui disait, j'espère qu'il va me parler de pâtes à la carbonara. Non, mais c'est pas un proche. Je pense que les pâtes, d'abord, c'est très bon. On peut mettre dedans plein de choses. La pâte est un bon support. Ouais. La pâte, c'est des hydrates de carbone, la combustion lente. C'est bon pour le corps, c'est bon pour durer, c'est bon pour les étudiants, c'est bon pour les gens qui travaillent. C'est très bon en plus mélangé à des légumes. Tout frais. À fait. On peut très bien faire une poêlée de légumes. C'est très frais. Bon. Et les balancer dans les spaghettis, dans les tagliatelles, et puis se régaler. Hein. Tu mélanges très bien. Il n'y a pas d'a priori. C'est vrai que le danger aujourd'hui, et je ne veux pas jouer les vieux cons, parce qu'à mon époque, il y avait autant de gros que maintenant, c'est l'absolue nécessité qu'on a de faire attention au trop gras, trop sucré, trop salé, c'est clair. Pour vous centrer, le danger, c'est ça. Très tôt maintenant, dans tout, par exemple, vous prenez toutes les sauces. Il ne faut pas les diaboliser, mais les sauces barbecue, les sauces ketchup, les choses, tout ça, c'est bourré de sucre et de sel, donc ça crée des appels. Mais il ne faut pas diaboliser la nourriture que vous, de temps en temps, vous êtes obligé de manger. D'accord. Et à l'occasion de cette semaine du goût, justement, oui. Là, tu vas intervenir donc auprès d'étudiants dans le cadre de l'opération. Ouais. Un chef sur le campus, on peut en savoir un petit peu plus en Picomo ? Tout à fait. J'ai accepté, c'est une première, et je suis à la fois, comment dirais-je, stressé ravi, et content. Pas stressé, ravi, d'accord. Et puis c'est une belle opération. J'interviens dans l'amphithéâtre, un amphithéâtre de la Société française de géographie, rue Saint-Jacques. Donc l'amphithéâtre à l'ancienne, 1926, avec des ah oui, à l'ancienne. Alors. À l'ancienne, on voit comme dans les films, on voit le professeur en bas, les élèves tout en haut comme ça. Et après, on voit pas ceux qui foutent rien. Et avec autour, en plus, ce qui est génial, il y a des balcons comme au cinéma. Il y a des balcons qui viennent quasiment à hauteur. Ah oui, c'est du théâtre quoi. Par contre, en fait, ça fait 20 ans qu'il y a plus de balcons au cinéma. Mais justement, c'est ce qu'il dit à l'ancienne. À l'ancienne. J'ai dit à l'ancienne, merci, il y en a un qui suit, c'est bien. Eh oui, tu fais rien. Il y en a un qui suit, ça va. C'est la première fois qu'il suit. Le problème, c'est qu'il a Sandro, tu suis aussi. Voilà. Il a trop de cheveux entre le casque et les oreilles, donc du coup, il n'entend pas tout. C'est un cadre assez impressionnant, puisque j'ai fait des repérages, parce qu'on ne s'embarque pas dans une démonstration, ça s'appelle un show en plus, devant 120 étudiants, sans faire un repérage. Donc non, ça va être pour moi une façon de faire rentrer la cuisine dans l'université. D'accord. C'est ça l'idée. Ok. Et de ne pas diaboliser la nourriture des étudiants, de ne pas leur dire vous bouffez mal, vous y comprenez rien. Non, c'est de dire prenez l'acte de manger comme quelque chose d'abord de survie, mais donnez-lui un petit peu de la couleur. D'accord. La couleur pour moi c'est, on parlait des pâtes et Sandro l'a très bien dit, c'est vrai que tu fais des pâtes, tu fais une poêlée de légumes frais dessus, tu mets dessus, t'as tout, t'as les vitamines. Et t'as l'hydrate de carbone. Je crois que j'aime pas le mot diététique, j'aime le mot bon sens. Donner du bon sens à la cuisine en sachant qu'il faut toujours manger en fonction de ce qu'on a à faire derrière. Mais je te rassure, Sandro n'aime pas non plus la diététique. Sandro n'aime pas non plus le mot diététique. Oui, non, mais c'est un mot affreux, la diététique. C'est un mot affreux. Il faut le bon sens. Tout à en fait. En fonction du format. En fonction si tu es marathonien, si tu travailles 12 heures dans une mine, si tu travailles que dans le bureau, si tu es toujours assis devant l'ordinateur, tu ne vas pas dépenser les mêmes calories que si tu es dehors tout le temps et que tu crapahutes. Donc il faut toujours manger en fonction de ce que le corps a besoin pour affronter la journée. C'est fondamental. Très bien, très bien. Mais le terreau ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro ? De quoi ? Non, je ne sais pas, tu voulais dire un truc ? Non. C'est pas trop chiant ce que je raconte, non ? Ah non, pas du tout. C'est audible. Ah oui, non. Pourquoi on cuisine plus aussi ? C'est parce qu'il y a les surgelés maintenant qui font tout. Oui, il manque une plus. Ils font des poêlées déjà. C'est dur pour les gens. Déjà fait, les gens qui prennent le RER le matin et puis qui rentrent au bureau, qui rentrent le soir à pas d'heure, faire à manger, c'est quand même. C'est un acte qui prend du temps. Donc, en plus, quand la société moderne ne pousse pas les gens à cuisiner. En plus, quand t'as faim, quand tu fais à manger, moi je mange en même temps. Donc après, j'ai plus faim. Voilà, c'est pour ça que je cuisine jamais personnellement. Parce que à chaque fois que je suis à côté de quelqu'un qui cuisine. Ou si j'essaie de faire un truc moi-même, en fait je bouffe pendant que je cuisine et puis quand j'arrive à table, je suis faim. Ouais. Et au final, t'as fait ça pour rien. Si on pose la question aux 5 qui sont autour de ce desk, j'en suis sûr qu'il y en a au moins 3 qui seraient ravis de faire la cuisine. Non. Bon. Pas moi. Si, moi, le dimanche. Ouais, moi je cuisine que le week-end en fait. Non, mais la cuisine, l'acte de cuisiner maintenant, c'est plutôt le week-end. Parce qu'on a le temps. Ouais, parce qu'il y a plus de temps. Temps, et que ça soit les jeunes gens, les jeunes femmes, les 4 moyens, les 4 pas moyens. Et les faux cadres en col blanc, tout le monde a envie de se mettre un peu au fourneau, de sentir la matière, de voir les légumes, d'aller au marché. L'acte du marché, par exemple, il y a plein de gens qui sont ravis d'aller au marché, mais on ne va pas aller le marché. Matin, avant de partir bosser, on va aller au marché. Non, moi j'y vais en rentrant de boîte. Comme je rentre de boîte, le marché est en bas de chez moi. Donc il ouvre, donc c'est la fête. Et malheureusement, souvent, il se trompe dans les légumes, hein, parce que quand il veut des poireaux, il prend des carottes. Hein. C'est ça, parce qu'il est bourré, donc forcément. Non, mais donc les mecs viennent juste d'arriver, donc tout est frais, je prends les trucs, je mets au frigo, et puis quand je me réveille vers 17h, je fais à manger. Ouais, méfie-toi quand tu vas au marché après. Ah bah je reviens de boîte hein. Tu dis pour finir. De se méfier quand tu vas au marché en sortant de boîte parce que moi j'ai failli rentrer chez moi avec une chèvre quand même. Oui, oui, il faut faire très attention. Vivante, hein. Bon, Gérard, donc t'es venu avec une petite valise bien remplie puisque c'est la semaine du coup. On a faim, donc nous allons pouvoir démarrer dans quelques instants et tu as droit à une aide. Laurent est là pour t'aider au cas où. C'est ton jeune candidat. Voilà, c'est tout. Par contre, on voit le se laver les mains. Hein. Oui, va te laver. Ah bon, très bien. Bon, on fait ça dans un petit instant. Ne bougez pas de là. On se met Pitbull aussi avec Hotel Room Service. Et puis, si vous avez d'ailleurs quelques petites questions au niveau de la cuisine, surtout n'hésitez pas, nous avons un professionnel ce soir avec nous. Donc, profitez-en justement. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Michael revient juste après ça. Voilà, le son de Pitbull à l'instant avec Hotel Room Service. Bon, suite, toujours bien sûr au niveau de la cuisine avec Gérard Cagnac qui est toujours avec nous, qui a déjà, le temps de la pub et du disque, hop, le plat est fait. Ouais. Alors, ok, il avait pris un peu d'avance pour la sauce, certes, mais je pense pas que ce soit ça qui était pris non plus toute la journée. Hein, on va lever le micro, c'est plus facile pour toi. 5 minutes, bon bah très bien. Donc en gros. Ce qui lui a pris le plus de temps, c'est d'aller au Costa Rica chercher un ananas. C'est un peu relou. Oui, c'est vrai. Vous voulez que je vous parle un peu du plat ou. Bon, alors vas-y déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a vu l'ananas. Nous, on voulait qui vient le manger, du... mais après. qui vient non. du Costa Rica donc. La règle du jeu, c'était de faire un plat, un truc. Pas un plat, un truc simple. D'accord. Que on puisse faire de la radio tout en faisant de l'image. Exactement. Et qu'ensuite, les gens du desk puissent le goûter. Donc. Une planche, un couteau, un ananas du Costa Rica qui est un peu vert, on ne voit pas à l'image, mais très goûteux puisque vous l'avez goûté. Mmh, oui, il est très très bon. Le roux a goûté également. Bah, le roux aimerait bien le finir surtout. Ouais. Donc l'idée c'était de travailler avec un produit simple. Donc, d'accord. Bon, j'ai pas pris un thon en boîte, j'ai pris un thon en bocal de chez Carrefour qui est très bon. Mais tu nous expliquais que tu en avais fait 600 avant de trouver le bon? J'ai fait 6. 600 tons, mec. Là, monsieur propre, là, il serait plus propre. C'est clair. Donc, du thon de chez Carrefour, donc du pas cher, hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Un pas cher, mais, ouais. mais quand même un petit peu haut de gamme, quand même. Hein, 3 euros. Ah ouais. Avec ça, il est un grec, le roux. Hein. Quand on voit les locaux d'énergie, on va pas arriver à des trucs bas de gamme quand même. Ah, mais t'inquiète pas, c'est la seule. Excusez-moi, les gars. Hein. T'emmerdes pas, c'est la seule pièce. Hein. C'est la seule pièce. Oui, surtout l'immeuble, ouais. Donc, c'est la seule pièce qui design. C'est de travailler avec du thon en boîte ou en bocal. Ouais. D'amener un légume un petit peu amer. D'accord. J'ai prévu l'endive qui est dessous, qu'on voit dans l'assiette. Ce qu'on appelle les chicons chez nous. Oui, chicons. En Belgique. Mais celle-là, elle est. Tout à l'heure, vous parliez de Bruxelles tout à l'heure. Ouais. Celle-là, elle est italienne parce qu'elle est rouge. D'accord. C'est un peu la tendance. Et puis, j'avais souvenir d'avoir goûté ce ananas de la Costa Rica dont je me sers. Je le fais poêler, je m'en sers avec du foie gras. Poêler, c'est très bon. Et je mettais. Le roux bave déjà. Il fallait quelque chose d'acide, mais de doux à la fois pour compléter le plat. D'accord. Et puis. Comme on aime tous le ketchup, on aime tous la mayonnaise, on aime tous, pas tout le monde, hein, même les faux culs, avec la petite goutte de whisky, ce qu'on appelle la sauce cocktail, j'ai imaginé pour vous et pour ma démonstration à la Sorbonne la semaine prochaine, de partir sur un velouté, un yaourt velouté de chez Danone, et de me servir de ketchup, bien sûr, ketchup, il ne faut pas le diaboliser, c'est un bon produit. Je le monte à l'huile d'olive, j'ajoute une cuillère de sauce anglaise, une cuillère de whisky, et je mélange l'ensemble. Et d'ailleurs, vous avez goûté, c'est aussi onctueux qu'une sauce avec de la mayonnaise, mais il n'y a pas de mayonnaise. Il y a l'huile d'olive, un yaourt, du ketchup, un trait de whisky. Hein, ça, Sinon, sinon, c'est pas une sauce cocktail. Ah, bah, c'est ça, voilà, exactement. Merci, monsieur propre. Et l'idée, c'était de rappeler les saveurs qui nous plaisent, qui nous tentent, le côté du ketchup, tout ça, c'est tentant, c'est vrai que c'est agréable. Mais de donner à ce plat une tonicité et puis un peu d'imagination. Et là, vous voyez, j'ai la ciboulette dans la main. Et après, je vais tailler la ciboulette et je terminerai le plat. Ça ressemble à une. Attends, je vais la tailler, la ciboulette. Ouais, qu'il fasse quand même quelque chose, parce que là, sinon, ça, il a rien fait. C'est-à-dire que c'est censé être l'assistant, là, mais il a rien assisté. Hein. Ouais. Bon, l'assistant, je vais te. On fait comme ça. Voilà, moi, je le fais beaucoup moins classe, moi. Hein. Non, mais attends, Roux. Je commence. Je te montre. Voilà. Et donc, il te montre. Roux, fais bien attention. Roux qui le professeur et l'élève. Non, mais j'ai peur de me couper les doigts, moi. Oh là là, je sais pas faire ça, moi. Il va pas faire comme en fait, ça, tu dois couper sur le bord de tes ongles. D'accord. Ah ouais, c'est bon, coupé super, monsieur super Roux, fin. Monsieur Roux, t'attaques là ou quoi? Ouais, il va faire. J'essaye. Sinon, tu fais des ronds de jambes, mais là, maintenant, couteau, maintenant. Il voilà, y a une astuce, hein, sinon tu prends la botte, tu prends des ciseaux et tu fais comme ça aussi. Le problème, c'est que couper au bord de ses ongles, il faudra avoir des ongles. En plus, il est chaîné de partout, il a une montre qui pèse 3 kilos. Arrête, il va pas te couper le doigt. Heureusement que j'ai des ongles, hein. Fais pas comme ça. Putain, attends, faut que j'essaye. Deux coups, il se coupe. C'est dingue, ça. T'as des ongles, il se les bouffe, qu'est-ce que tu racontes T'as du sang, hein, Julien. En plus, il pipote, il a les ongles tout rongés. Bon, oui, c'est ça, en plus, il les bouffe. Oh, yeah, regarde bon, le travail. Plus vite, comme lui. Non, t'as vu, là, oh là là. Putain, demande encore la roue. La ciboulette, elle pleure, elle crie, regarde. Je l'ai. T'as pas la vitesse, hein. Non, tu l'as pas, non. On a de l'image, j'espère, pour se rappeler. Ah, ouais. Tu vas te couper, tu sais que c'est rien. Oui, t'as pas peur de lui filer ton couteau, hein. En plus, il a des petits bras, c'est pas monsieur propre, lui, hein. Ah non, c'est sûr, c'est pas monsieur propre. Pourtant, il fait de la muscu, hein. Ah bon. Ça se voit mal, hein, mais. Juste, on va pas mettre toute la ciboulette là. Non, pas toute la ciboulette. Elle est bien coupée, hein. Merci. Ouais, attends. Ça, si t'as besoin de moi, resto, hein. Ouais, à la Sorbonne. Image, s'il vous plaît, image. Ah, voilà, on va filmer. Voilà, c'est bon, te fous pas de ma gueule. Oh, ça va. J'ai fait des bottes de ciboulette. Voilà, c'est ça. Il s'est coupé deux fois les dents, mais ça s'est bien passé. Roux, c'est un spécialiste de la sauce aussi. Tu devrais dire à Gérard là la sauce que t'as créée. Oui, t'as créé une sauce, Roux ? Ouais, j'ai créé une sauce. Quelle sauce ? Ça va être un drame, je pense. C'est nul. C'est quoi ? Et non, en fait, comme j'aime pas grossir et que j'ai tendance à grossir, je prends du yaourt 0%, ouais. J'en mets deux, je le mélange, je mets du sel, du poivre, je mets de l'oignon, je mets de l'ail. Ah, c'est la mienne, hein, c'est ma sauce. Hein. Et je rajoute du thon, je rajoute toutes les herbes que je trouve... chez moi, enfin. Ouais. C'est une chute, quoi. Sauce, alors. De cuisine, des herbes de cuisine, je mélange tout. Ouais. Et je laisse reposer au congélo 10 minutes pour qu'elle soit fraîche. Pour bien glacée ? Ouais. Non, pas glacée, non. Non, juste pour qu'elle soit fraîche. Donc tu la laisserais au frigo toute la nuit, tu la reprendrais le lendemain, ça revient au même. Oui, mais en général, c'est pour le bouffer tout de suite. Oui, j'entends bien. Pas préparer la veille. J'entends bien. Ça a l'air dégueulasse. Il mélange des feuilles de menthe, mais avec de la ciboulette. Il mélange tout, en fait. Non, mais là, on voit qu'il n'est pas perdu, le mec, quand tu le vois comme ça. Parce qu'il a parlé d'oignons, d'herbes, donc tout ce qui fait la cuisine. Donc ouais. Il n'est pas perdu complètement. Pas que la cuisine. Hein. Non, ouais. Sais faire ça, enfin que ça. Et après, comme sauce. C'est la sauce, ça. Essaye la sauce veloutée d'Anon, là. Ouais, voilà, mais en fait, je mélange, moi. Et mets de l'huile d'olive dedans, ça tient. Non, pas d'huile. Oh, elle a pas d'huile, mon Dieu, je vais grossir. Regarde, je mange de l'huile d'olive, moi, regarde. Ouais, c'est vrai. C'est bon pour la santé, l'huile d'olive, hein. Et pas de muscu. Une cuillère, ouais. Et pas de muscu, hein. Non, mais moi non plus, je suis pas de muscu. Oh, oui, il en fait plus maintenant. Bon, alors, quand est-ce qu'on goûte, là, parce que. Quand vous voulez. Ah bah. Tout de suite. Allons-y. Bah, je vais goûter. Attends, je commence parce que j'ai quand même coupé la ciboulette. Prends mon micro, Sandro. Tu goûtes. On a coupé la ciboulette, mais on l'a pas mis sur le plat pour finir. T'as découvert. Ouais. Allez, t'as découvert. Bon, donne-moi une fourchette, Roux. J'ai tout amené. Parfait, très bien. Une cuillère pour goûter la sauce, tiens. On va goûter ça. Ouais, moi, je voudrais d'abord goûter la sauce cocktail sans. Très bien, attends, je goûte la sauce cocktail. Sans maillot. Ah, franchement, t'as un petit goût parce que moi je connais bien la sauce cocktail. T'as un arrière-goût qui fait que tu sais que c'est pas de la vraie sauce cocktail, mais c'est bon quand même. Hein. C'est très bon. si je te le dis pas. Non, franchement, ouais. Roux. Parlons. Je crasse. Oui, bah oui, alors quoi, c'est incroyable de manger là. Si t'en mettais moins dans ta bouche aussi. C'est ça. C'est avec. C'est généreux en whisky quand même. C'est généreux, oui. C'est du whisky cocktail. C'est du whisky cocktail. Tu prends une frite avec la sauce, t'es beau, ouais. C'est pour ça qu'il a pris du coca. C'est super bon. C'est super bon. Ah oui, c'est bon. Si j'ai besoin de toi pour un repas, tu viens chez moi. Là, je suis hors budget. Ah merde. Ah, c'est quoi? Ça dépend. Là, c'est pour la France là. Donc. Ouais, mais j'ai une maison à Los Angeles. Non. Ah, tu le dis depuis le début de la semaine. Ah oui, non, mais si c'est on vrai. Part 8 jours en first, on part en first. 8 jours là-bas, moi je te fais en first. Attends. Tu peux partir, mais pas revenir. Ouais, c'est dur en affaire. Tu me payes pas. Tu me laisses 8 jours à Los Angeles. Bon, il faut que ce soit cossu quand même comme endroit. Je fais le marché, je te fais à manger, 10 couverts tous les soirs si tu veux. Ah mais tu sais que ça coûte beaucoup moins cher là-bas. 10 couverts soignés tous les soirs, je te les fais. T'as vu un peu la négociation là, la négociation. T'achètes une fraise là-bas, elle fait 8 jours. C'est la taille d'une pomme. Non mais c'est vrai, elles ont la taille des pommes, les fraises. En tout cas, c'est très bon. Ouais. En tout cas, c'est bon. Toi, t'as pas goûté encore? Non, mais je filme, donc... Bah, enfin bon, on va se goûter en même temps. Fais goûter la caméra. Alors, la sauce, elle est archi bonne. Mais faut que tu goûtes le plat aussi. Mais oui, mange le thon. Des fois, voilà. Mange-en une. Voilà. Oh. Bon, on refait une petite pause. On revient brièvement dans un instant. Pendant ce temps-là, tout le monde goûte. On se gave. Voilà, oui, se gave. Mais le roux va finir le plat. Ah ben grave, c'est hyper bon. Très bien. Bon. On fait la pause maintenant. On revient dans un instant. 612, débutez le message par Mickaël. On fera un petit GAV aussi dans quelques secondes. La suite également du jeu Fast and Furious avec la finale dans moins d'une demi-heure. Et puis on se fera le mag également dans moins d'une demi-heure. Restez bien là. On est de retour, dernière ligne droite maintenant pour parler cuisine. Le plat est fait, presque vide. Bon, c'est-à-dire qu'il reste encore un quart, mais le roux regarde. Mais le roux est en train de se dire bon, avant qu'il parte, il faut que je le finisse sans que les autres ne remangent dedans. En fait, il regarde le plat, il regarde autour. Non, mais c'est super bon, c'est le mariage de toutes les saveurs qui est vraiment, vraiment top. Et comme disait Tim pour antenne. De saveurs aussi que je connais super bien. C'est quoi? Tu prends un peu de Nutella, un peu de riz, un peu de coco. Ça te fait un très bon dessert. Ouais, mais comment t'expliquer Là, c'est gras, par contre. Pablo pourra témoigner. Mais à propos de régime, est-ce que tu saurais pas comment faire une recette light, justement, à base de Nutella pour Sandro Light, tu mets pas de Nutella, déjà, je pense. Non, mais le bannir, Nutella, quoi. C'est la pire. Bah oui, c'est vrai. Dans le degré d'addiction... les plus terribles, c'est le Nutella. Ah oui, tu sais bien. C'est 90% de gras, tout confondu. C'est de l'huile, des tonnes d'huile. Ouais. Je mange à la cuillère, c'est tous les gras, moi. C'est tous les gras. Et moi, je diabolise pas, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est le pire produit au jour d'aujourd'hui sur le marché. Le problème, c'est un peu comme la phrase qu'est-ce que vous mangez? Tout ce qui est bon est mauvais. Bon, enfin, tout ce qui est mauvais est bon. En disant ça, je passe pour un ayatollah de la cuisine, interdit. Non, on le sait bien. C'est pour ça que j'en achète pas, parce que sinon, c'est. Mais c'est vrai, je suis sûr qu'on peut faire un dessert. D'ailleurs, à la limite, je pourrais y penser. On pourrait servir du Nutella, comme je me suis servi du ketchup pour ma sauce. Ouais. À partir d'un yaourt comme base, on peut s'en servir comme d'un ingrédient, mais pas à la louche, quoi. Je veux dire, on passe pas être dans non plus. Hein, ah, c'est ça le problème, c'est que Sandro, en fait, tu vois Picsou qui saute dans ses pièces, elle saute dans le Nutella. Ah ouais, voilà. Elle est là, elle en a partout. C'est surtout que si j'en prends une cuillère, c'est fini après. Ah bah c'est vraiment, c'est une addiction. C'est une drogue, ouais. Ça va parce que tant que j'en ai pas à la maison, c'est bon. Mais eux, quand ils ont envie de me faire chier, ils achètent un pot et ils le lâchent dans la maison, quoi. si je puis me permettre, moi, j'en achèterai pas. Et le roux est tellement pince que même pour la vanne, il va pas le faire. Ouais, par contre, Pablo. Je sais que tu l'as déjà fait, ouais, ça c'est clair. Ouais. Bon, non, sérieusement, il y a moyen de se faire un bon plat régime, pas trop cher, et agréable à manger. On peut toujours, mais il faut un peu de temps, il faut quand même un peu de temps. On peut bien manger, pas cher, mais c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance des produits. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en a pas. C'est la culture. Alors, c'est pas, quand le mot culture, ça fait chez tout le monde. La culture. Vous voyez, là, j'ai volontairement... C'est pour ça que j'étais en dehors de l'antenne, je vous disais, le choix, l'ananas du Costa Rica, qui est vert, et les gens ne l'achètent pas parce qu'ils pensent qu'il n'est pas mûr, mais il est formidable. Il est super bon. Ouais. Il est super bon. Je le connais depuis 10 ans. Et ajouter ça avec... Ça c'est le... C'est simple. En deux mots, ananas, endive, thon. Thon. Et la sauce Toto. Et la sauce Toto. Et voilà, et en 5 mots, comme ça, une recette que tu pourrais nous lâcher. Voilà. Oui, alors justement, en parlant de recettes, il y a un SMS qui est arrivé qui demandait si où est-ce qu'il est ? S'il était possible de mettre la recette du thon sur Internet. C'est Anso qui avait envoyé le message. Avec la recette de la sauce, bien sûr. Yeah. Ouais. Bah, je peux vous le faire. Je vous la. Ah oui, on va la mettre avec les photos alors. Je vous envoie un email ce soir en entrant. Vous le passez. Eh ben, comme ça, bien. Vous testez à la maison ce week-end si vous avez le temps, et lundi vous nous dites si vous avez aimé. Tout à fait. En plus, vous l'avez vu, vous l'avez dégusté, vous les jeunes. Vous l'avez c'est super bon. Bon, c'est y a pas de secret. Je dirais 4 cuillères de ceci, 3 cuillères de cela. Ouais, ça va être précis. Et ça sera. Oui, parce que si tu mets trop de whisky, c'est un bouffage. Si non, non, ça ketchup, c'est pas vrai. Ça c'est une légende urbaine. Ça dépend pour qui. C'est une légende urbaine. Oui, c'est absolument pas vrai. Bon, Roux. Pour le whisky. Allez, vas-y, finis l'assiette, Roux. Je vous l'envoie. Non, bah pourquoi lui. Je vous l'envoie par mail. Et avec plaisir. Eh ben, on mettra ça sur internet. Voilà, Anso, tu iras voir sur amical.fm. Et pour terminer, Gérard, tu as 30 secondes pour convaincre tous ceux qui nous écoutent là de jouer le jeu de la semaine du goût. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour qu'ils jouent la semaine du goût? Je dirais que on a tous au fond de nous un besoin, le besoin primaire de manger, on l'a tous. Mais on a tous quelque part au fond de nous l'envie de faire un peu quelque chose en cuisine. Homme ou femme, tout le monde se dit, je dis j'ai pas le temps mais je le ferai bien, j'entends souvent ça, j'ai pas le temps mais je me mettrai bien au fourneau. Et Monsieur Roux, là, c'est Monsieur Roux qui s'appelle le grand là, le grand gaillard là, qui nous a fait sa sauce, qui paraissait comme ça complètement dégueu. Hors du temps, mais j'ai écouté les produits qu'il a mis dedans, il a mis tout ce qu'il fallait pour que ça soit bon. Donc je crois que chacun. Mais ça reste nous, mauvais, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Non mais je vais goûter, attends. Ça va Sandro, c'est bon? Super bon. Oh Sandro, bon ça va, c'est ça, tu peux y aller. C'est très bon, j'ai fini. Hein. Ouais, bah vas-y. Ouais. Mais tu veux un peu de sauce, toi? Oh là là. Mets-lui un peu de sauce, Roux, mets-lui un peu de sauce, s'il te plaît. J'aime bien parce qu'elle fait signe non de la main, mais elle tend l'assiette. Oui, parce que t'as le réflexe. C'est un réflexe de dire non, merci. Bah oui. Mais là, ça va. Avec des yeux profonds comme ça. Et la prochaine fois, tu lui fais une sauce noire. Faut se débrouiller pour. Et ça ressemble au Nutella. Tu dis c'est Nutella, elle va non, kiffer. Non, c'est pas noir, c'est marron. Oui, c'est brun, ouais, c'est vrai, marron, effectivement. Non, mais arrêtez de la taquiner avec ça. Le Nutella, je vais me réfléchir. Et dès que j'ai une idée, je vous la donne pour faire parfait. Une recette avec le Nutella. Et Sandro peut payer cher. Sans le diaboliser, ça, hein. Sans le diaboliser et sans se coucher dedans comme Agrippine dans son bain au lait d'Alès. En fait, non, c'était Cléopâtre, pardon. Ce qu'il va faire, c'est une énorme baguette avec un petit truc de Nutella. Non, il faut trouver une idée comme un ingrédient, comme une épice. Quand on met du curry dans une sauce, on faut trouver ça. Alors, je pense, je suis pas sûr, mais le Nutella ne congèle pas. Donc si t'en fais une bouchée, en fait tu t'en sers de fourrage. C'est tellement gras, tu peux le mélanger, c'est tellement gras, ça se mélange. Oui. Plus t'es gras, ce mélange. En faire une bouchée glacée, l'intérieur serait toujours du Nutella pas glacé lui pour le coup. Ah, ouais, ça sympa, bon, tu ça. Fais une coque glacée. Voilà. C'est une idée. Nutella à l'intérieur, je vais en parler chez le nôtre. Ça peut faire un autre. C'est nous, ça va être trop cher. C'est nous qui avons l'idée, donc si tu le vends, on a un petit pourcentage. Regarde en haut là. Moi, c'est 4%, je vous donnerai à la moitié du 4%. Ah, super, bah, partagé. Parfait. Venant de chez le nôtre, on va gagner notre vie. Hein. Parce que 2% de cher, ça reste cher, quand même. C'est pas mal. Oui, bon, ben, 2% de rien, c'est pas beaucoup. Bah, mais 2% de beaucoup, ça fait déjà. Exactement. Ouais. Bon, ben, Gérard Cagnat, merci d'être passé. Bah, c'était un plaisir. Bonne chance pour la semaine du goût. Et puis bah dès que t'as une idée pour le dessert, hein, Sandro. Je vous fais. Elle bouffe. Sandro, elle est superbe. C'est dingue ça. Va partir à la poubelle, autant le manger. C'est dingue. On voit une femme qui a souffert, hein, qui a eu faim. On voit qu'elle a eu faim. Oui. Facile. Elle a eu faim dans ces deux dernières heures. Ouais, elle a pas mangé. Elle a une double culture. Elle sort d'un ghetto. Elle a eu faim. Tout ça. Elle a pas mangé depuis quoi? Deux heures. C'est ça en plus. Mais oui. N'importe quoi. Bon, merci Gérard. C'est mon côté la veuve orpheline, surtout l'orpheline. Le Roux voulait savoir si tu repars avec la nana, tout ça. Je vous le donne. Ouais, super, parfait. Tu t'inquiètes pas, on nettoiera tout après. On te renverra, il n'y a pas de souci. Là, hein. Là, ça, vous le voulez si vous ah voulez, oui, le temps, ouais. Le temps, vous le voulez. Bah ouais, on va se refaire d'assiette. Non, c'est bon. Mais Roux, quoi. Il ne fait pas le crevard comme ça. Hein. Il le donne avec plaisir. C'est mal élevé, hein. C'est pas possible, Roux, d'être comme ça. C'est incroyable. Oh, ça va. Ouais, ça va, ouais. Bon. On va laver l'assiette. Non, mais ça fait plaisir parce que je vois que. Chacun d'entre vous a quelque part une parcelle d'envie de se faire à manger et d'aller vers quelque chose qui ressemble à la cuisine, sachant que cette démarche vers la cuisine est une démarche culturelle et aussi une démarche de transmission. De transmission, exactement. Tout le monde n'a pas cette chance. Non, c'est vrai, il y a des parents qui ne cuisinent pas et qui ne font pas ça à leurs enfants. Mais on ne peut pas leur en vouloir, la vie n'est pas facile. Ah oui, non, bien sûr, c'est pas moi, je vois la vie que mènent les gens entre partir le matin tôt. Le travail, les enfants. Le Roux, déjà dans son HLM. Oui, moi je peux manger que des Grecs. Et... Quel mytho, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Sandro, elle aime surtout la transmission entre la cuisine et son plat. Voilà, ça c'est non, entre mon plat et mon ventre. Oui, entre le plat et le ventre, effectivement, c'est vrai. Ouais. Bon, donc bonne chance. Et puis bah, dès que tu as une idée pour le dessert, tu reviens chez nous. C'est un plaisir. Avec plaisir. Merci à toi, Gérard. Je suis prêt à temps en temps à venir si vous voulez. Moi, ça bah écoute, faire mon problème. Avec plaisir. Prochaine étape avec le Nutella, Sandro. D'accord. Très bien, alors, parfait. On va faire un truc de Nutella. On fera ça alors. Bon, on fera le finaliste dans un instant pour The Fast and Furious. Et puis, il y a Catherine qui est là maintenant, 18 ans d'Amiens. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je... Bah écoute, ça, bah, là, ça va, hein. Le roux est content, il a reçu ses ananas gratos, la sauce, le thon. Il a bien mangé. Voilà, Sandro qui est là aussi, en train de se lécher les lèvres, les babines. Non mais pour le coup, cette recette, je la ferai quand j'aurai des invités. Oui. Dans 3-6 mois. 3-6 mois. 3-6 mois. Hein. D'accord, ok. J'ai jamais d'invité, mais... mais si c'est juste ça, toute l'équipe viendra. Oui, non. On est tout à fait prêts à être invités chez toi. Je parle de personnes normales. Oh, genre... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, Catherine, donc tu appelles Damien, tu as 18 ans, nous allons faire un petit GAV dans un instant avec toi. Non, c'est un chéri, je t'ai fait cocu. C'est un chéri, je t'ai fait cocu, très bien, c'est comme le roux. C'est Michel qui m'a dit on fera un GAV hein, tout à l'heure, donc je dis bon, bah, très bien. Alors, chéri, cocu, parfait. Catherine, on va appeler ton mec, comment s'appelle-t-il? Vincent, très bien. Nous allons faire ça dans un instant, tu as prévu une petite histoire déjà? Oui, déjà. Très bien, quelle va être l'histoire? Il y a une semaine, je suis partie à une fête sans lui, il voulait pas venir, donc je vais profiter de ça. Pour lui dire que t'as rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Et que tu t'es fait déglinguer là-bas. D'accord, voilà. Très bien. Bon, ben on fait ça dans un instant, Kat, tu bouges pas? Ça marche. Allez, reste là, Catherine. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec le son d'Agnès, ce sera Release Me et le chéri, je t'ai fait cocu dans 3 minutes. Bouge pas. Tough part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à varier. Et Michael revient juste après ça. Voilà le son d'Agnès à l'instant, Release Me sur Énergie avec le mag qui va arriver dans quelques instants aussi. Mais avant cela, le chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Catherine. Retour de Catherine donc. On va donc appeler ton mec, Catherine. Oui, c'est ça. Alors, l'histoire donc, c'était la semaine dernière, t'es sortie donc dans une soirée, il n'a pas voulu venir et c'est là malencontreusement que tu m'as rencontré. Ouais. Enfin, malencontreusement ou heureusement, en fait, je sais pas très bien, mais on va dire heureusement. Hein. Pour lui, ce sera malencontreux, mais pour nous, ce sera heureusement. Bon, donc, comment je suis censé m'appeler? Il me connaît de nom, quelque chose, ou pas du tout? Non, pas du tout, mais ce serait bien si tu pouvais faire un truc un peu italien, parce qu'il est portugais, il aime pas les Italiens. Ah merde, putain, moi je suis portugais aussi, c'est dommage. Oh, merde. T'as bon. Qu'à faire l'espagnol? Ah non, alors, ça c'est pas possible. En plus, je peux faire l'accent espagnol. C'est très bien comme ça. Ouais, enfin, je peux pas faire ça sur tous les. Mais si, je l'ai déjà fait. Non, italien, ouais. C'est vrai, ouais, bon, bonsoir. Ouais, mais l'autre aussi, tu l'avais déjà fait. Hein. L'accent espagnol, ouais. J'arrive plus à revenir dessus là. Mais c'était ça. Espagnol. Bah et... voilà, tu fais comme ça, c'est très bien, c'est parfait. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer l'accent espagnol, ça va peut-être plus l'énerver alors. Pour le coup, c'est toi qui aime pas les espagnols. Lui, elle, son mec, il aime pas les italiens. Non, mais c'est en général les portugais, les espagnols, ils ont. Ils s'aiment pas. Voilà. Non, mais c'est les italiens ou les espagnols, Catherine? En général, c'est les espagnols et les portugais espagnols, non? Bah pas trop, sa mère elle est espagnole donc. Ah oui, alors vu comme ça, ah oui, mais c'est pas pareil évidemment. Ah oui, parce qu'il doit toucher un peu en espagnol, il peut te niquer d'accord. Facilement. Hein. Bon, oui, en plus, ouais. Donc, je m'appelle Mario alors. C'est bien. D'accord. Mario, c'est bien. Allez, on y va, c'est parti, on l'appelle. Vas-y, et moi je suis derrière. Bien sûr, tu es chez moi à la maison. Hein. D'accord. Très bien. Allô? Allô Vince? Oui. Oui, c'est moi, ça va? Oui, toi? Ouais, en fait, faut que je te dise un truc. Bonsoir. Faut que je te dise un truc. Je vais galérer là. T'es bien la semaine dernière, la fête chez Mimi? Ouais. Ouais, t'as pas voulu venir? Mmh. Et en fait, là-bas. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un en fait. Ah, j'arriverai pas, ça va être la merde. Si, attends. Mais tu as rencontré quelqu'un? Ça va aller tout seul. Bah voilà, il s'est passé. Je peux faire la voix du mafieux, mais pas du jeune. Vu qu'entre nous, c'est moyen en ce moment, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Alors il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, je vais essayer, mais je ne garantis pas. Attends, je m'arrête 2 secondes là. Oui, arrête-toi, c'est mieux. Quoi? Bah j'ai couché avec. Bah ouais. C'est qui? Tu connais pas? Bah oui, tu t'es fier. Ah bah oui. Bah oui. bouffonne. Ouais, enfin, je regrette pas, quoi, voilà, c'était super avec lui, enfin, c'était mieux qu'avec toi, ça c'est clair. Ah oui, comment? C'était mieux qu'avec toi, hein. Putain, mais... Oh, Catherine, c'est fini ou quoi? C'est qui lui, bouffon, derrière? Bah, voilà, là, je suis chez lui, en fait. Tu te fous de ma gueule, là, j'espère. Bah, non. Bah non, dans le normal. Putain, mais tu te rends compte comment tu parles avec ta voix de connasse, hein? Dans le normal, tu m'appelles comme ça et tu me dis ça. Bah ouais. Bon, Catherine, t'as fini ou pas? Bah dis-lui qu'il ferme sa gueule à lui derrière. C'est ouais, bah non, attends. On va pas y passer la nuit. On va pas y passer la nuit. Ta gueule, toi, derrière, t'as compris? Il m'entend, là. Non, il t'entend pas. Mais de toute façon, voilà, je t'appelle juste pour te dire ça, après... Non, mais tu voilà. Te rends compte que là, t'es en train de faire ta pute, là. Bon, tu as bientôt fini au téléphone ou pas? Ta gueule, ouais, toi, j'ai bientôt fini, t'inquiète. Bon, t'es avec qui au téléphone? Ta gueule, avec ta mon gueule. Ex, hein. Avec ton ex? Ouais, bon, ouais. Ça dure pas trop longtemps, hein, parce que c'est moi qui paye. Et alors? T'es pas content? Elle est capable de prendre ton téléphone, abruti. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, non, mais... Bah, attends, je te le passe, là, je te le passe. Ouais, vas-y. Oui, allô? Ouais, t'es qui, toi? Ouais, je m'appelle Mario. Ma quoi? Mario. Quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Putain, mais rentre chez toi avec ton accent pourri, là. Comment ça? De quoi tu parles? Mais tu as vu comment tu parles, toi? Et alors, t'es fou, quoi? Je veux, non? Tu sais pas à qui tu parles, ici? À qui je parle? Tu crois que je parle à qui? Au patron, là? Ah, patron, oui, exactement, tu peux le dire. Tu peux le dire. Putain, c'est quoi? Ce comment tu t'appelles, toi? Comment il s'appelle? Je m'appelle comme je m'appelle, t'as même pas à savoir. Il s'appelle... Vincent, Vincente, c'est ça? Vincente, ouais. C'est, hein, c'est comme ça qu'on dit chez moi, Vincente. Ah, Vincente, c'est quoi chez toi? C'est l'Italie. Ah, l'Italie. Forza Italia. Ouais, et puis t'es fier d'être Italie. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Toi, j'ai pas envie de te parler, donc tu me repasses ta téléphone. Attends, c'était en train de te parler dans mon téléphone, t'es fou quoi? Je m'en bats les couilles. Mais attends, mais... J'ai pas envie de parler avec toi, j'en ai rien à foutre. Mais reste calme. Quoi, reste calme? Ah, rien à foutre, j'ai pas envie de rester calme, mais déjà tu me parles pas. Bon, donc écoute, pas Vincent, tu vas déjà arrêter d'appeler ma copine, tu vois. Ta copine, mais arrête de raconter ta copine. Et ça fait deux ans que tu te la sautes et t'es heureux. Et c'est fini, ça fait pas deux ans que je me la saute, tout c'est exagéré. Ah bon, tout, bah ça, vas-y, tout, moi, ça fait tout, combien de temps tout, alors les grands mots là, mais ça te regarde pas, tu lui demanderas si. Mais ça te regarde pas, tu lui demanderas. Tu lui demanderas si elle veut te le dire, elle te le dira, c'est tout. Tu peux dire à ta nouvelle petite copine. Voilà, exactement. Même pas, je veux la voir, même pas. Eh ben, ça tombe bien parce qu'elle veut pas te voir non plus, et surtout moi, j'ai pas envie que tu la vois. Voilà, bah c'est très bien. Eh ben, très bien. Et ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? 9 mois dans le cul, 9 mois. 9 mois, oh, ça va. Et tu l'as mis une fois dans le cul ou pas? Ah non, jamais, non. Ah, jamais, on te regarde pas, non. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien voulu, je sais pas si t'avais des conseils à me donner. Vas-y, fais ce que tu veux. Non, parce que en derrière, à droite, à gauche, en long, en large, en travers, c'est ce que tu veux. Non, hein, le large et le travers, tu sais, je sais pas trop mon kiff, hein, mais derrière, effectivement, mais elle avait l'air un petit peu. Enfin, là, je me permets d'en parler parce qu'elle est partie de la cuisine faire chercher oui, un truc à boire. Oui, mais. Dans une cuisine, merde alors. Elle avait l'air un petit peu fermée à l'arrière. Il y a quelque chose à faire, tu crois ou pas? Putain, mais depuis c'est quoi cette situation à la con là? Pourquoi tu me parles déjà? Pas rien, tu la connais aussi, donc c'est pour ça que je te demande, parce que tu sais, je vais. Ouais, vas-y. Et toi, tu me la passes maintenant, parce que moi, je te parle pas. Non. Bah si, tu me parles, t'es en train de me parler depuis tout à l'heure, t'es fou quoi. Moi je te raccroche. Oh mon dieu, j'ai peur. Oh mon dieu, j'ai peur. Non mais c'est vrai, t'as vu, c'est quoi cette menace? C'est où, là? C'est où, c'est chez quoi toi? Cette menace? On est chez moi à la maison. C'est où chez toi? Bah devine. Devine, j'en sais rien. Bah devine. Je le perds. Ah putain que péril, vas-y, bah allez, dis-moi où t'habites là. Bon allez, je te la repasse deux secondes. Oh Catherine, ouais, tu peux revenir, il est un peu bête mais il est gentil. Hein. Ouais, j'arrive. Il a dit quoi, le bâtard, là? Mais non, mais... Bah, il a dit que t'étais un peu bête, c'est vrai. Un peu bête. Bah ouais. Un peu bête, avec son accent. Ouais, j'ai dit qu'il était un peu bête, mais il était il gentil. Il a pas un accent bouffant. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais ouais. C'est l'accent qui fait tomber toutes les filles. Mais oui, bien sûr. Allez, c'est vas-y. Pas comme toi, t'as pas d'accent du tout, tu n'as aucune personnalité. Oh, bah tiens. Est-ce qu'on l'entend pas? Bah, en même temps, il a raison, hein. Il a raison, hein. Putain, mais alors toi, le changement d'une semaine à l'autre. Et Forza Italia! Vai putain, il faut derrière de pute. T'as compris ça? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, t'énerves pas! Qu'est-ce qu'il a dit? Mais toi, t'es une bouffonne, toi, t'es une pute, je te jure. Je te donne tout ce que j'ai à toi et je veux plus entendre parler de ta sale gueule, c'est clair et net. Je peux garder tes affaires ou pas? Vas-y, ta gueule. Ça me parle pas comme ça. Il est parti. Bon, allez, on va le rappeler, il avait l'air gentil. Hein, il est un peu bête, mais il est gentil. Ah, ça, c'est la phrase qui tue. L'horreur de la phrase. Bon, allez, on rappelle. Bon, alors. Ah, voilà. Allô, quoi, bah, toi, fou ou quoi? Tu as le téléphone comme ça, t'es malade ou quoi? Et alors, mais putain, mais. Mais tu sais pas à qui tu parles ou quoi ici? Et toi, tu crois savoir à qui tu parles, toi? Oui, Vincent. Alors, je connais mon prénom, puis moi je connais Mario, voilà, je connais ton prénom. Et alors, eh ben voilà, mais moi c'est l'Italie, voilà, c'est l'Italie, c'est Forza Italia. Oui, c'est bien, Forza Italia, mon cul. Voilà. Ouais, si j'appelle tous les cousins et tout ça que j'ai, tu vas voir comment ça va se passer. Oui, là. Oui, vas-y. Alors, fais pas le malin ici, hein. Fais pas le mariole, le mariole, Mario. Hey. Mariole. Ah putain, en plus t'es vaseux avec ça. Wow. Parce qu'on peut, hein. C'est comme ça que j'ai réussi à voir ta copine. Elle était gentille, tout ça, elle rigolait. Ah, bah oui, c'est une bouffonne, tu vas bien avec elle, y a pas de soucis. Un bouffonne, c'est le football. Ah, tu connais un petit peu au football ou pas? Football, mais j'ai rien à foutre pour football là, putain, que tu me fais chier. Forza Italia. Ouais, vas-y, putain, mais. Allô? Oh putain, la nation elle est pourrie, mais t'es malade. Oh, genre, quoi, genre, tu manges jamais des pizzas, des spaghettis, la lasagne, tout alors, ça, jamais? Et alors? Et bah, donc t'aimes bien l'Italie? Bah les couilles, vas-y, me parle pas toi, putain. Non mais t'aimes bien ou t'aimes pas l'Italie? T'as déjà été en... pourrie, là, t'as déjà été à Rome ou Venise ou Milano, la Sicile? Je m'en fous de ton pays là, j'en ai rien à foutre. Bah t'as vu un peu comment tu parles du pays? Mais alors? Alors reste calme. Reste calme. Avant que je te frappe à coups de spaghetti. Mais vas-y, frappe-moi avec tes spaghetti. Ça va chercher ma morue, si tu veux. Tu vas chercher ta morue? Ouais, ma morue. Hein. Et t'es pas mal. Ah, t'as vu, ouais, je suis marrant en plus. Ah, ouais, ça m'a fait rire un peu quand même. Ouais, ça va ensemble. Oh là là, quelle aigreur! Que quoi? Mais quelle aigreur! Quoi, quelle aigreur? Mais t'as vu, t'as l'air aigri! Et alors? Enfin, c'est incroyable d'être aigri comme ça! Mange des fartourages! Ouais, ça, j'aimerais bien. On doit être content. De quoi? On se fait jeter, on doit être content. Tu veux une pastèche de natte? De quoi? Tu veux une pastèche de natte? Quoi? Oh, il connaît pas les trucs de son pays, c'est quand même surréaliste! Bon, pastel de nat. Pastel de nat. Ah putain, pourquoi tu prends le portugais toi? Voilà, bon après je suis pas vraiment italien. Bon, oh. Catherine. Va pour caraï. C'est quoi ce délire? Catherine. Ouais. Tu connais les fartourages, Vincent ou pas? Vincent. Oui. Les gros beignets, les fartourages, tu connais ou pas? C'est ton pote en fait, là, donc c'est pour ça que... Hein? Tu connais les fartourages ou pas? Cougnef. C'est mieux que les chouros quand même. C'est mieux. Putain, c'est quoi ce truc là? Non, c'est mieux ou pas? Attends, mais explique-lui avant parce que tu. Le pauvre là, tu sais quoi, c'est-à-dire? Il sait qu'il y a plein de personnes là autour. Bon, Catherine, bon, allez, vas-y, dis-lui le autour pauvre. D'elle, voilà. Eh oui. Ouais, oui, dis-lui. Vincent, quoi? C'était une blague, mon loulou, c'est pas vrai. T'es en direct sur la radio? Voilà, sur Radio Lisbonne. Tes potes. Mais non, t'es en direct à la radio sur Énergie, Vincent, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Une radio. Une blague. Voilà, en direct à la radio sur Énergie. C'est Radio Portoche. Voilà, la radio pour tous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Radio ouais. Pour tous, ouais. C'est ça, pour fond. Donc voilà, c'était pour rire. Bon, t'as pas trop rigolé, mais nous un peu. Hein. Non, oui, nous c'était bien. Bah, ça m'a fait du mal de jouer l'italien, sachant que je suis portugais à la base. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein, tant pis. D'ailleurs, vous avez vu l'accent italien qui arrivait, qui partait, qui arrivait, qui partait. Ouais, il y avait même beaucoup de mal à rester à la fin. Oui, je te confirme, ouais. Bon. Vincent? Oui. Vincent, par contre, elle a promis que si jamais tu marchais, elle pourrait te faire ce que tu veux la prochaine fois que vous vous voyez. Ouais, bah j'espère bien. Sexuellement, hein, sexuellement, je parle. Hein. Ouais, on va pas être trop ouvert non plus. Hein. Ah! Comme tu veux, hein. Après, c'est une proposition. Attends, t'avais tout gagné là. Ah, t'avais tout gagné. Hein. Voir, là. T'avais le cadeau, t'avais la meuf, t'avais la fellation, la sodomie, tout le bordel. Tout était dans le package. Hop, hop, hop, ça y est, c'était fait. J'ai vu Nicolas, je t'encule. Hop. Oh. Ah bah quoi, c'est ça. Jack, enlève ça directement. Pourquoi? On finit avec une bonne chanson. Enlève ça. Pour se mettre dans le train. Enlève ça directement. Mais pourquoi? Mais parce que ça représente pas. Mais c'est comme si la France est représentée par une deux chevaux, un béret et une baguette. Bah oui, monsieur, on est ici. Mais non. C'est ça la France. Mais c'est ça la France. Bon, Mike, Catherine. Tu peux nous faire une petite vidéo là pour que les auditeurs puissent apprendre à danser le portugais. Bon, Catherine. Catherine, Vincent. Je danse le portugais. Si, ils ont une danse spéciale. Fado. Le fado. Allez, une petite vidéo, Mike, pour les auditeurs. Bon, Catherine et Vincent, je vous fais des gros bisous. Je vous repasse chez Michel Standard et on va prendre vos coordonnées. On vous envoie les cadeaux, d'accord? Ok, ça marche. Salut à vous deux. À bientôt. Bon week-end. Ciao, bye bye. Et bonne bourre, hein, surtout. Hein. Bon, on est un peu en retard. Un tout petit peu alors. Hein. Mais légèrement. Hein. un truc très très très léger. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le mag du jour. Un tour de raison de l'actu condensé, revu à notre sauce. Justement la sauce. Et le premier titre de ce vendredi 9 octobre se passe à Marseille, où les chauffeurs de taxi sont maintenant coachés pour apprendre l'anglais. Welcome to Marseille. Where do you want to go? Voilà. Tu fais trop mal le marseillais qui essaye de parler anglais. Ouais, j'avoue. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils n'amenaient pas toujours les touristes à l'endroit précis qu'on leur avait demandé, en fait. Ouais, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Hein. C'est, ils le font en francophone aussi, ce coup-là. Oui, c'est vrai. Bon, allez, plus sérieusement, c'est en vue de la récente élection de Marseille comme capitale culturelle européenne en 2013, wow. Ce qui apportera évidemment beaucoup de visiteurs étrangers. Hein, c'est grosse vanne quand même. Hein. Ouais. Marseille, capitale culturelle de l'Europe. Oui, bah. Ah, c'est ouf quand même. Oui, bah. On a un chauffeur de taxi Marseille. Ça y est, justement, au téléphone. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Hey, j'adore votre émission. J'écoute tous les jours, je rate au cul. Franchement, félicitations, Louis. Hein. Non, moi, c'est Mickaël. C'est énergie ici, Marcel. Ah oui, je le sais, c'est énergie. Oh. Bon, Marcel, sincèrement, comment ça va, les cours d'anglais? Ben, franchement, ça va. Hein. Tu vois, c'est bien d'apprendre une deuxième langue. Moi, je parle tellement bien l'anglais, maintenant qu'on m'appelle le trilingue. Oui, bon. Vous êtes nombreux à suivre les cours? Ouais, ouais, Rafi, là, tout ça me passé dans les classes, on doit être au moins 4. Bon, je pense pas qu'on puisse en tirer grand chose de ce 3e, mais vous en pensez quoi de l'OM? Je m'en fous, ils prennent pas le taxi. Oui, d'accord, évidemment. Bon, on vous souhaite bon courage en tout cas, hein. Vous terminez à quelle heure ce soir? Ouais, j'ai un cours pour 4 ou 5 heures là, donc je pense que je serai couché vers 8 heures. Ok. Bon, ben, au revoir, hein. Oh, ciao. Ouais, oui, salut Marcel. C'est ça Marseille. Oui, effectivement, oui, nous sommes partis dans un endroit bizarre. Avec un chauffeur surtout bizarre. Bon, deuxième info du jour maintenant, qui traite de la conquête aérospatiale. On a bombardé la Lune. Bombardé la Lune, c'est quoi? C'est l'Iran qui s'est planté dans les boutons? Non, pas du tout. C'est la NASA qui a envoyé un projectile de 2 tonnes s'éclater contre la Lune. Oh, c'est abusé. Histoire de voir s'il y avait de l'eau là-haut. Que dalle, ouais, c'est juste que les chercheurs, ils voulaient se faire un gros kiff. C'est-à-dire? Bah t'as jamais capté qu'il y avait 9 planètes, c'est exactement le bon nombre pour faire un billard géant. Et on poursuit avec le con du jour, et c'est Sandro qui s'y colle. Voilà, donc on part en Somalie. Ah oui, ça va parler de faim. Non, pas spécialement. En fait, vous le savez, les Somaliens se sont relancés dans la piraterie. Genre, il y a internet en Somalie. Ah non, je parle de vrais pirates hein, sur les bateaux. Ah oui, de façon bateaux. Jack Sparrow, quoi, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et en fait, mes cons du jour sont des pirates, donc, qui se sont attaqués à un gros bateau, un très, très gros bateau. Ah oui, en fait, ils se sont dit que ça allait faire beaucoup d'argent. Oui, sauf que finalement ils vont faire beaucoup d'heures de mitard hein, puisque les Somaliens se sont attaqués à un bateau de l'armée française blindé de militaires à bord. Hein. Ah, c'est en plus un bateau militaire. D'accord. Ah ouais, bah con du jour validé. Hein. Ouais. C'est pas mal. C'est... Ah oui, bah, ils ont pas eu de chance. Hein. Ils sont pas cons, ils ont pas eu de chance. Ils ont vraiment pas eu de bol quoi. Bon allez, on passe au sport maintenant. Rugby ce week-end avec l'ouverture de la Coupe d'Europe. Le stade toulousain, vainqueur en 2005 et en 2003, affrontera les Anglais de Sale. Putain, on parle de rugby maintenant. Carrément. Bah oui, écoute. Moi, ils ont fait des calendriers, c'est toujours ça de prix. Hein. Ah non, ce ne sont pas les seuls. Hein. Ah, les footballeurs aussi? Non. Les basketteurs? Non. Les cyclistes du Tour de France. Ah. Oh, les photos à poil avec le bronzage mi-bras et mollet, ça doit envoyer du lourd. Sans poil d'ailleurs. Ouais. Et puis, sport toujours avec quelques nouvelles de fond pour ce samedi. Zimri est le favori alors que Tavernès semble, lui, très en forme et on pourra compter sur le retour de Zona Cero également. C'est quoi tes joueurs là? Tu nous fais un point sur Ligue 2? Ah non, c'est de l'équitation. C'est d'où l'équitation? Ah, attends, ce week-end il n'y a pas de foot donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'infos. Bah si, il y a France Féroé. Oui, c'est bien ce que je disais. Voilà, ce match du jour touche à sa fin. Avant de le clore, on va jouer au quiz, bien sûr, quiz people. Et à votre avis, qui a dit je ne vaux pas ce prix? Bah Obama. Cash, boom, hop là, bam, c'est plié. Non? Sandro, Barack Obama. Ça va, effectivement, Obama. Bon, qui a dit sans la musique, je suis comme un Hummer sans les jantes? C'est un 50 Cent ou non. P. Diddy? Non. Cool Chain? Non. Le Pharrell Williams? Non. Non, Joey Starr? Non. Non, mais non, c'est il un pas. Français ou pas? Il est. Ouais. Sans la musique, je suis comme un Hummer sans les jantes. Sans la musique. Petit indice, vas-y, balance-toi. Lève les tambours, balance-toi. Ah, Tony Parker, bonne réponse. Ah, putain, j'étais passé complètement au travers de l'indice. Hein. Vas-y, balance-toi. Ouais, lui aussi. Ouais, c'est quoi, balance-toi? C'était son single. qu'on avait diffusé. Ah oui, putain. Ouais, mais pourtant tu chantais, hein. Voilà. Mais, ah bon. Ah oui, c'est ça, ça alors. Oui, oui, balance, je sais, balance, mais c'était autre chose. Mais tu chantais quand même. Donc tu savais que c'était une musique malgré tout. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Allez, dernière question. Qui a dit ce que j'aime bien chez les Français, c'est qu'ils ne prennent pas souvent de douche et que les femmes n'aiment pas trop se raser sous les bras. Le roux. Alors un mytho déjà. Non. C'est un Américain, ça, avec tous les clichés. Ouais. Alors un Américain. C'est un oui, tough. Alors un Américain. Alors donc oui, c'est comme si tu disais donc un Américain connu. Voilà, c'est ça. Ça j'ai réfléchi. Ouais, l'avantage, c'est que j'en ai que deux ou trois, hein, donc ça va. Ouais, c'est facile en plus. Voilà. Oui, oui. Oh là là. Bon, en tout cas, cette phrase fait que Sandro se caresse les seins. C'est ouais, vrai. J'aime bien. Ça me... Donc je vais le redire. Un Américain connu. Ah non, c'est un chanteur. Petit indice, nous on aime que tu mettes des photos de ta femme sur Twitter. Ah c'est Ashton Kutcher. Bonne réponse du roux. Ah t'es dégueulasse. Tiens. On l'a dit en même temps. T'as dit Ash et puis il a fait Ashton Kutcher. Non non. Ah il est arrivé plus tôt hein. Mais t'as rien gagné. Ouais, y a rien à gagner. Ouais, mais j'ai mis Barack Obama plus celui-là donc j'ai gagné. D'accord. Et en plus, elle s'est touchée les seins. Ouais. Et en plus, je me suis touchée les seins. C'est ça. Allez, ok, c'est gagné. Ah, voilà. Merci, on gagne un truc à la machine. Non. Fini de ce Mac du jour, un autre Mac du jour, un autre jour. Voilà. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Oh. Et le rouet sur l'ananas qu'il vend lui, il va le manger dans un instant. Non, mais j'ai pas de couteau. Oh, on va t'emmener ça. Il a gardé le thon. Non, mais sinon, ça. Non, garde pour ce soir. Hein. Non, je vais croquer dedans. Je t'ai vu manger un poulet comme un enragé l'autre jour, oui. Et tu vas te former. C'est ça. Tu vas pas chipoter. Arrête, pour non, non, un truc bon comme ça et beau et non, sain, c'est un produit frais. Ouais. Ne lui fais pas de mal. Mange ça correctement. Là, respecte l'ananas. Là, pour la peine, tu vas en mettre partout. Donc, c'est con. Vaut peut-être mieux pas le faire. Il a oublié le thon, Gérard. Non, ben non. Non, il lui a laissé. Ah, il m'a dit, ben non, il veut le prendre aussi. Par contre, il n'y a pas la sauce. Bah, aussi. Ah, quel est con alors. C'est-à-dire que Gérard, le cuisinier qu'on a reçu tout à l'heure, lui a offert un ananas. Elle a voulu le prendre pour montrer qu'elle avait un ananas. Mais et elle s'est piqué. Ça fait trop mal. Pas de chance. Bien fait pour ta gueule. Il est trop mignon, j'adore. C'est trop mignon. T'aimerais faire des choses cochonnes avec lui. Non, ça fait mal. T'as un gros problème avec les ananas, toi. De quoi? Bah, un ananas, c'est pas mignon. Si, c'est joli. Regarde, c'est trop chou, j'adore. C'est un petit palmier. C'est trop mignon. Ouais, en déco chez toi, c'est magnifique. Vous allez mal finir, vous. Hein. Ouais. Ils ont des problèmes. C'est déjà fait, je crois. Vous avez des problèmes. Toi, tu vas bien finir, peut-être. Ouais, ça non plus. À gratter des boîtes de thon de Carrefour. Bon. Hein. Le cuisinier, c'est pas mieux. Moi, hein. Gérard Cagnard. Tu pars du roux. Bah oui, le roux. Ah, parce que moi, je pas gratter des boîtes de thon de Carrefour. Hein. C'est Gérard qui me l'a offert avec amour. Avec amour. Ça, je vais le garder. C'est ça. Il a eu pitié de toi quand il a vu ton polo. Pas de gamme. Ouais, t'es gentil, mais mon polo est habillé tout entier, là, aujourd'hui. Bon, allez, on revient dans un petit instant. On va se mettre. Un petit son de Incubus avec Love Earth. Et puis on se fait péter ça. Et bien sûr, la finale de Fast and Furious. Donc bougez pas, on revient. Bouge pas. Roux va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà l'excellent son d'Incubus à l'instant. Love Earth sur Énergie. Bon, et petit message qui est arrivé, je connaissais pas, c'est sympa, merci. C'est Florian qui avait envoyé le message. Ben écoute, avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est dispo hein, sur mikl.fm. Si vous voulez réécouter ce son US ainsi que tous les sons rock et tous les sons US, n'hésitez pas avec grand plaisir. Et puis un message aussi de Tes Chaussures qui dit, je tiens à préciser à Jack qu'il n'y a aujourd'hui plus que 8 planètes dans le système solaire. Il est vrai, étant donné que Pluton n'en fait plus. Vrai. Partie, hein, elle a été dégagée. Attends, voir. Voilà. Je t'emmerde. Voilà. Oh, je l'ai passé. Oh non, mais en plus, il attaquait même pas, c'était juste pour non, la mise à jour. On fait pas chier les gens un vendredi soir. Quoi. Oh, c'est ça, fais gaffe, c'est ton ananas qui va t'attaquer. Attention, aïe. L'ananas. Voilà, c'est une bonne vanne de mec de la NASA qui joue au billard avec les planètes, c'est bah bon. Ouais, quoi. Mais là, du coup, la vanne, elle tombe à l'eau. Il avait deux trucs à redire, je crois. Ouais, mais la vanne, elle tombe à l'eau. Assume que tu l'as insulté. Voilà. Ah ouais, mais j'assume, je le refais si vous voulez. Vas-y, je t'emmerde. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous allons maintenant jouer à la finale de Fast and Furious. Jean-Luc, qui est là pour l'instant? C'est ouais, lui qui gagne, là, bah forcément, puisque les deux autres n'ont pas encore joué. Avec un vieux score, il gagne pour l'instant. Ouais, pour l'instant, tu gagnes avec un vieux score. Hein, donc, c'est-à-dire que tu as donné deux bonnes réponses. Alors, j'explique pour ceux qui n'étaient pas là. Et j'explique aussi à Nadia et à Thomas qui sont dans le standard et qui sont les deux derniers finalistes. Pour l'instant, il n'en reste plus que trois. Il y en a un qui a été éliminé tout à l'heure. Nadia, Thomas, soyez bienvenus. Oui, salut. Vous allez donc peut-être... Salut Nadia. Nous allons peut-être vous faire partir direction Los Angeles, transport et hébergement avec des entrées pour le parc Universal Studio, plus un stage de conduite à la Fast and Furious à la LA Stunt Driving School à l'occasion de la sortie en DVD du nouveau volet de Fast and Furious numéro 4. Tout à l'heure, on a posé 5 questions à Jean-Luc. Le concept est facile, donc il a commencé. Il a répondu à 2 questions sur 5 en un temps de 49 secondes. L'auditeur d'après n'a donné qu'une bonne réponse, donc il a été éliminé. Le concept est le suivant. Si Nadia répond en moins de 49 secondes à 2 questions, c'est elle qui remplace Jean-Luc du coup. Si elle répond à plus que 2 questions, c'est elle qui le remplace également. D'accord ? Nadia, oui. Nadia, Thomas, vous avez compris ou pas ? Donc en gros, il faut répondre soit plus que 2 bonnes réponses, soit 2 bonnes réponses, mais en moins de 49 secondes. D'accord. Voilà. Okay. C'est ça, 49, hein ? Ouais. Ah, je sais pas, je vais écouter ce que tu disais. 49 secondes, oui, c'est bien ce que je te reproche. Je vais lui faire des bras d'honneur à ton camarade. Mais non, pas du tout. C'est ça, ouais. La prochaine fois, je prends une règle et je vous tape sur les doigts. C'est un Shifumi, bras d'honneur. C'est ça, ouais. Bon, Nadia, Thomas, pile ou face, Nadia ? Choisis pour moi, parce que moi j'ai la poisse, on choisit moi. Bon bah pile, roue ou sors une pièce, vas-y. Enfin la poisse là, tu vas quand même jouer, hein. T'as été sélectionné pour jouer quand même. Moi j'en ai une. Ah ouais, non, c'est clair, je veux pas me porter la poisse, mais j'aime pas choisir pile ou face. Bon allez, alors on va demander à Thomas, pile ou face. Attends, non, faut qu'on en parle. Ça fait combien de temps que tu t'arrives pas à choisir pile ou face? C'est un gros problème dans ta vie. Bon allez, vas-y. Oh t'es chiant, putain. Bon Thomas, tu disais un vrai pile ou face? Oui. Face. Attends, Jack l'annonce et... C'est pile. Bon, c'est Nadia qui commence. D'accord. Allez, Nadia, c'est là qu'on va savoir si t'as une chance. D'accord. D'aller aux États-Unis, Los Angeles, tout frais payé. Ouais, le rêve. Ouais. Ah ouais. Surtout, tu partiras avec qui? En fait, je sais pas encore. Écoute, j'ai mon passeport, personnellement. D'accord. Je suis disponible. Mais tu veux qu'on choisisse pour toi aussi, c'est incroyable. Hein? Tu veux qu'on choisisse pour elle aussi. Ouais, parce que. Non, mais ça, par contre, je peux t'aider à choisir. Hein. Ça, y a aucun problème. D'accord. Laurent, tu nous prêtes ta maison ou pas là-bas? Ouais, sans souci. C'est gentil. D'accord. Tu disais, Nadia, tu pensais que quoi? Je pense qu'après, il y a beaucoup de personnes qui me reconnaissent, ils vont vouloir venir avec moi. C'est vrai. Regarde, Mickaël, hein, il a voulu se servir de toi là. Regarde, même moi, je te connais. Bon, Nadia, on y va. Écoute bien, il faut répondre à plus de 2 questions ou 2 questions en moins de 49 secondes. D'accord. Allez. Sandro, t'es prête au chrono? Ouais. Arrête de faire des bras d'honneur à ton camarade. Bon, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Attention. Allez. Top. Dans quelle série a joué Michelle Rodriguez, la meuf de Vin Diesel dans le film? Dans quelle série là? Lost, bonne réponse. Sachant que Justin Lin a réalisé le 3e volet de la saga et que le 4e Fast and Furious a été réalisé par le même réalisateur, quel est le réalisateur de Fast and Furious 4 de Fast and Furious, pardon. Fast and Furious, c'est le réalisateur... je sais pas, je passe. Tu passes, pas. Très bien. Fast and Furious est un remake d'un film chinois. Quel est le titre de l'original? Je sais pas. The Legend of Speed. Selon Wikipédia, en quelle année sort Fast and Furious 5? 2006, c'est trop tard. 2011, combien y a-t-il d'Honda Civic dans le premier volet? Honda Civic dans le premier volet, il y en a 4. Bonne réponse. Combien de temps? 47.2. Oh là là là là là là. Attends, tu le savais pour les Honda Civic ou t'as répondu au hasard? J'ai regardé le 1 en fait, j'ai regardé avant-hier. Ah oui, c'est avec celle-là qui braque en fait. J'ai regardé le film et j'ai vu passer les voitures noires. Ouais, c'est celle-là. Nadia, ouais. Nadia, tu viens malheureusement, en tout cas pour toi et malheureusement pour lui, de mettre Jean-Luc au placard. D'accord. C'est pas grave. À 1,8 secondes. 1 seconde 8. D'accord. Putain, t'as fait deux bonnes réponses et t'as un peu moins de 2 secondes de mieux. Bon. Ouais, en fait, j'avais surtout révisé le 4. Bah, heureusement. Mais, hein. Ouais. Bon, Nadia, reste là. Jean-Luc, bah, reste avec nous quand même, malgré tout. Hein. Oui, pas de soucis. Bah, merci en tout cas. J'étais content d'avoir joué. Bah, écoute, de rien. Attends, Jean-Luc, après, attends. Thomas? Oui. Bon, bah, c'est toi qui vas tout gérer maintenant. Hein. Ouais. Il n'a pas l'air très très sûr de lui, mais ça va bien se passer. En tout cas, peut-être un petit peu peur. Bon, c'est pas très grave. Allez, on y va. Il faut que tu donnes plus de 2 bonnes réponses. Et si tu donnes 2 bonnes réponses, il faut le faire en moins de 47,2 secondes. D'accord? Okay. C'est Sandro qui fait le chrono. Ce qui m'inquiète d'ailleurs. Non, il est très bien fait. Bien sûr, tout à l'heure. C'est vérifié par huissier. Mais casse-toi, j'ai pas besoin qu'on vérifie. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai besoin qu'on vérifie. C'est pour être sûr. Thomas, t'es prêt? Ouais. Attention. Prêt. Top. Dans quelle ville se déroule Fast and Furious de Tokyo Drift? Tokyo. Bonne réponse. Qui sera l'acteur principal du 5e volet? Brian. Vin Diesel, mauvaise réponse. Comment s'appelle Fast and Furious au Québec? Je passe. Rapide et dangereux, c'est vrai. Quel acteur joue Brian O'Connor dans les films? L'acteur Paul Walker. Paul Walker, bonne réponse. À 20 millions de dollars près, combien a coûté la saga Fast and Furious? Le budget. Le 4 ou le 12? Non, tous. 50. Hop, top, stop, terminé. 283 millions de dollars. Ah ouais, 50 millions de dollars pour un film, c'est déjà... Ouais. 283 millions de dollars, c'était à 20 millions près, donc t'aurais pu dire entre 263 et 303. Bon, alors attention, Nadia, il a donné deux bonnes réponses également. Ouais, je sais, j'ai entendu. Voilà. S'il a donné ces deux bonnes réponses... Il a donné deux bonnes réponses. Ouais, s'il a donné deux bonnes réponses et qu'il l'a fait en moins de 47,2 secondes, c'est lui qui gagne. Ouais, moi je suis stressée. Je vais raccrocher pas. S'il l'a fait en plus que 47,2 secondes, c'est du coup toi qui gagne. Oh, ça va, Nikos bosse en radio, donc bosse chez nous maintenant, je peux faire pareil. Sachez qu'il y en a un des deux qui gagne actuellement. C'est pas vrai. Ce n'est pas Jean-Luc. Oh. Non, Jean-Luc malheureusement s'est perdu. C'est ça, on le savait déjà. Voilà. Ce n'est pas Roux. Ce n'est pas Roux. Non. Qui avait voulu jouer. Jacques non plus qui avait voulu jouer. Nadia, Thomas. Oui. Est-ce que sur l'un des deux qui gagne, il y en a qui. Est-ce que vous voulez partir éventuellement ensemble ou pas? Ben. Petit intermède pour les bien choisir. Nadia, combien mesures-tu? Oh. Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? 52. Quel est ton tour de poitrine? Je vais pas dire ça. Ah bah si. Bah, si. 90. C'est une question pour Toff ça. Attends. Gagné. 90 combien? 90 c'est. Ah oui, bah oui. Et ça, la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Et si tu veux, elle fait du H là même, hein, si tu veux. Non, H non, ça c'est. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté, Nadia? 38. Ah oui, tu serais con, Thomas, si tu gagnes, de ne pas prendre Nadia avec toi. Franchement, hein. Moi, si je peux te donner un conseil, invite-la. S'il gagne. Car pour l'instant, on sait qu'il y en a un des deux. Oui. Par contre, si c'est Nadia, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui voudront partir et avec j'adore elle. J'adore être dans cette position parce que nous, on sait qui a gagné. Surtout sans problème, les contents, elle a le chrono. Bah d'habitude, il y a quoi qui sait, alors que les autres, ils galèrent. Je suis en train de penser, mon collègue. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer la pause? Pour celui qui a perdu, c'est pas cool. Hein. Bah, ah non. C'est vrai. Mais au moins, ça veut dire que pendant ce temps-là, ils savent pas, donc ils sont encore quoi, un peu joyeux. Oh là là, moi j'adore, je vais passer un bon week-end. Allez, la réponse lundi. La réponse lundi. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon. Comme ça, celui qui a perdu passe un bon week-end. Donc, qui est pour de donner la réponse après la pause? Moi. Moi. Bon, moi, je propose que. On fasse autre chose. On remette le truc de Diams. Alors, on met une énième fois. Histoire de détendre l'atmosphère. On met la pause. On enchaîne avec Black Caca et Peace. Encore, on peut tout mettre, ouais. Non, mais oui, comme ça, on fait une petite compile sympa, on remet du baume au cœur à tout le monde. C'est ça. Et après, on donne la réponse. Et après, on pourra en détruit un des deux, là, pour le week-end. Il est vrai. Bon, Nadia, si tu perds, t'es pas trop triste? Je sais pas, en fait. Bon, Thomas, si tu perds, t'es pas trop triste? Si. Si, bah oui, j'imagine, vous allez être tristes tous les deux, c'est normal. Non, il y en a un qui va être. Oui, bien sûr. Mais il sera triste pour l'autre. Oui, exactement. Il n'en aura rien à foutre. Bon, écoutons d'abord la phase B de Diams. Energy et McDonald's présentent le nouvel album de Miams. La reine du rap revient dans les bacs avec son nouvel opus, Sauce. Belle demoiselle aime les tagliatelles, les cuisses de poulet, mais aussi les ailes avec Chamel et le cake à la cannelle. Mais si tu veux maigrir, faut que tu jeûnes, demoiselle. Avec aussi sa chanson orientale en duo avec DJ Couscous, La Boulette. Alors ouais, j'ai toujours faim, ouais, je pèse une tonne. Non, c'est pas mon mec qui me dira que je suis bonne. Je vous dis que je veux du rab, donne-moi une autre boulette. Sortez le couscous ou s'il n'y a pas une raclette. Et enfin, la version longue du morceau qui l'a propulsé numéro 1 des ventes de singles, Enfant du dessert. Alors je suis sorti de la voiture et je me suis arrêté à la boulangerie pour y prendre du pain dur. J'y ai même mis la confiture. Ce n'est quand même pas ma faute si je peux rien manger nature. Hé, hey, tu manges ton éclair là? Bah ouais. Ok, merci, c'est cool hein. Voilà. Ça vous a détendu ou pas? Non, pas moi. Bon, alors on va essayer caca et pisse maintenant. Bon, caca de pisse après, caca de pisse après, caca de pisse après. C'est sympa là maintenant. Ouais, je sais, mais là on est en train de trop tirer sur la corde. Ouais, mais on s'en fout. Bah, on s'en fout. Nous on va aller nulle part de toute façon. Nadia ? Oui. Thomas ? Oui. Ça me fait de la peine, je sais qu'il y en a des deux qui va être triste. Putain, c'est chiant ça. Bah, il nous reste sauf, des on a si des compiles de côté. Pour toi, hein. Ouais, sauf si c'est Thomas qui gagne par exemple et qu'il est trop con pour ne pas prendre Nadia qui était quand même relativement physiquement intéressante. Sinon, on a des compiles de côté pour le perdant. Ouais, bah oui, mais enfin ça lui fait une belle jambe. Hein. Ah bah oui. Bah, c'est un cadeau quoi. Bon. De consolation, ouais. 47,2 secondes, c'était le temps de Nadia pour répondre à ses 5 questions. Elle avait 2 bonnes réponses. Pareil, 2 bonnes réponses pour Thomas. Qui a fait 40 et... Bah voilà, t'as niqué le truc. C'est 41,6 secondes, Thomas, c'est toi qui gagne. Putain, trop bien. Oh putain, c'est trop classe. Putain, en plus, Thomas, tu vas aux États-Unis, c'est vraiment gâché. À 19 ans, tu pourras rien faire. Ah bah, t'inquiète pas pour moi. Je vous enverrai mes photos s'il le faut. Ouais, bah j'espère. Ouais. On peut venir pour les prendre. Mais si tu veux, je veux bien me transformer en photographe. Hein. Y a pas de problème. Hein. Bon, Nadia, je suis vraiment désolé, ma chérie. C'est pas grave. Non, t'as quand même le temps. Je ne sais rien. De quoi? Non, j'ai dit je suis triste, mais c'est pas grave. Bah, le pire, en fait... Non, il faut pas regretter, c'est parce que ouais, c'est comme ça, c'est non, que tu devais pas partir. Non, mais c'est tout ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut que je me dise. Et tu sais, tout ça parce que t'es pas capable de choisir entre pile ou face. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, Nadia. Ouais. Nadia, dis-toi que si le sort en a décidé ainsi, c'est peut-être que l'avion s'écrasera. Sûrement, tu vois, que pendant cette période de. Enfin, pendant ces dates-là, et ben, tu verras qu'il va se passer un truc. Rien! Non, mais dans ta vie, il se passera un truc et tu te diras qu'il fallait pas que je parte. Bon, avec plaisir, avec plaisir. Non, parce qu'à ta place, moi je serais dégoûtée et je passerais un sale week-end. Hein. Ce qui est dommage, non, mais que... ça va, je peux rejouer de toute façon. Oui, bien sûr, ouais. Ce qui est dommage, c'est que la question selon Wikipédia, en quelle année sort Fast and Furious 5? Ouais, t'as répondu 2006, putain. Ouais, c'est là-dessus, t'as déconné. Nadia. Non, oui, c'est encore pire, c'est 2011. Lui foutez pas la haine encore plus. Bah, il est pas sorti, le 5. Non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, j'avais pris des notes pour ça. J'avais tout noté, j'avais été m'acheter l'intégrale et tout, mais j'ai pas pu tout regarder. Donc voilà, mais c'est pas grave. Mais par contre, avant d'aller travailler, j'ai regardé le cadre, j'avais tout noté, j'avais même fait des arrêts sur image et tout. Mais le cinéma est très content, t'as perdu, mais t'as acheté les 4 à DVD, c'est très content. Fait que t'as le 4 en double. Maintenant. Bon, je te fais des gros bisous, Nadia. Moi bravo aussi, à toi, Jean-Luc. Soirée. À bientôt. Allez, salut Nadia. Bonne soirée à tous. Et encore bravo à toi Thomas. Tu pars à Los Angeles, tout frais payé donc, hein, pour aller direction le parc Universal Studio. Un stage de conduite à la Fast and Furious à la LA Stunt Driving School. Bon week-end Thomas. Et comment? Allez, amuse-toi bien, ciao mec. Bye bye. Salut, ciao. Et puis on revient en 3 minutes, on ira chez Jean-Claude au fucking Blue Boy. Michael n'est pas belge. Il n'est pas radin. Ce n'est pas une petite nature. Il a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il sera content. Puis, quitte à mentir aux gens, autant le faire jusqu'au bout. Michael n'est pas sur énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit, c'est pas Michael sur Pas Énergie. Voilà. Oui, voilà. Et il y aura dans un instant, par contre, Jean-Claude. Bien sûr. Attends. Je vais dire bien sûr. Oui, on l'a entendu. Enfin, vaguement. Nous, on l'entend, mais les auditeurs t'ont pas entendu. Bah, légèrement. T'as dit quoi? Légèrement. Bien sûr. Voilà, très bien. Bon, allez, c'est pas très grave. Les photos hein, de la cuisine sont sur mikael.fm pour aller jeter un œil si vous voulez. Ainsi que les photos d'ailleurs de Cindy qu'on a reçue hier de Secret Story qui était passée nous voir avec plaisir et qui est restée pendant une bonne heure et demie avec Jean-Claude Elfassi et FX. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur mikael.fm. Je la remercie pour ce petit livre. Oui, qu'on n'a pas vu nous, hein, mais. Ah, il est 25 euros. Oui, on ce a bien... petit livre illustré. Oh, ah, très illustré. Une BD. D'ailleurs, il n'y a. Non, parce qu'il n'y a pas de texte. Une bordée. C'est ça, c'est une bordée. C'est exactement ça, ouais. Bon, grosse information. Hier, Laurence Ferrari a fait la meilleure audience du 20h depuis qu'elle a pris la place de PPDA. Plus de 8 millions quand même. Eh ouais, mais c'est pas parce qu'elle a fait un meilleur journal, hein, je vous rassure, c'est juste qu'elle avait le bon invité en fait. Hein, donc. Ouais, Frédéric Mitterrand, ouais. Hein, ministre de la Culture et de la Communication, qui exactement. N'a pas été très bon dans sa communication avec, au sujet de l'arrestation de Roman Polanski. Ouais. Oui, exactement, il était venu sur TF1 pour rétablir la vérité, mais un peu avant, Jean-Marie Le Pen demandait sa démission sur RTL. Hein. Mais oui, il doit quitter le gouvernement, n'est-ce pas ? Ouais, mais pourquoi Monsieur Le Pen ? Mais enfin, c'est évident, n'est-ce pas ? Il n'est pas comme nous. C'est-à-dire, il n'est pas français ? Mais non, ce n'est pas le problème, n'est-ce pas ? Je vois pas alors... Mais si, enfin, il n'est pas comme vous et moi, n'est-ce pas ? Il n'aime pas les femmes, vous comprenez, n'est-ce pas ? Pas vraiment, Monsieur Le Pen, mais bon, comme on aime bien donner la possibilité aux gens de s'exprimer, vous allez pouvoir clasher Monsieur Mitterrand tout de suite. Hein ? Yo. Planète Mike, l'émission rap de référence. Ouais, donc ce soir, les deux poids lourds du rap politique nous font l'honneur de s'affronter sur le ring de Planète Mike. À ma gauche, le band de Saint-Cloud qui, il n'a jamais remporté aucun de ses combats présidentiels, mais il reste toujours le roi du clash et du scandale, Jean-Marie Le Pen. Et à ma droite... Sacrifié sur l'autel de Roman Polanski, il a été mis au pilori des médias. Non, je plaisante bien évidemment. Il est le ministre de la Culture pour vieux et le meilleur animateur d'enterrement que le monde ait connu, Frédéric Mitterrand. Petit rappel avant le combat, pas de coups sous la ceinture et on n'attaque pas la famille. Maintenant, clashez-vous! C'est pas un cours. Cette affaire n'est pas une affaire privée. C'est une affaire d'État. Je rappelle l'origine. C'est l'affaire Polanski. Eh bien, Monsieur Mitterrand monte au cocotier et furieux défend la position de Monsieur Polanski et la défend missionnée par le président de la République. Il faut avoir le caleçon propre. Et en l'occurrence, Monsieur Mitterrand ne l'avait pas. Attendez. Tout le monde attend mes explications. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Mais je tiens à préciser d'une manière extrêmement claire. On avait dit que la politique était quelque chose de dur. Je suis en train de défendre d'une certaine manière mon honneur. Oui, j'ai eu des relations avec des garçons. Soyons sérieux, M. Mitterrand, qui est un ministre, doit donner l'exemple. Ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est que Sarkozy ait choisi Mitterrand. C'est tout à fait anormal. Il trouve dans ce mélange de sexe et d'argent une excitation particulière. Une erreur, sans doute. Un crime ? Non, non. Une faute ? Même pas. Mais c'est facile de le dire comme ça. Je ne peux pas absolument pas comprendre un désir de vengeance comme Le Pen et ceux qui ont confiance en moi depuis longtemps, avaient droit ce soir tout de même à une part de vérité. Après ce torrent de mensonges, je condamne toutes les personnes qui m'accusent de devoir avoir honte de faire une chose pareille. C'est tout. Hey, il est bien dans le flow, Mitterrand. Voilà, Jean-Marie. J'espère que t'as réussi à dire tout ce que t'avais à dire. Mais oui, n'est-ce pas ? Très bien, parfait. Et bon, Frédéric est déjà parti, malheureusement, c'est dommage. Allez, casse-toi, Jean-Marie. Et dis pour voir, t'as vu un peu combiné ? Je vous emmerde, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça, et dégage. Casse-toi. Je suis pas d'ici, n'est-ce pas ? Comment ça, je suis pas d'ici ? Je suis européen. Oui, je suis européen. Oui, mais l'Europe, c'est la France ! Ouais, c'est ça, et casse-toi d'ici. Ouais. Allez, dégage. Un pronostic pour demain ? Qui ça, moi ? Non, Jean-Marie. Pour la France. Mais oui, j'espère que. Qui va donc marquer ? Oui. Gignac. Ah ben non. Non, pas Gignac. Non, il vit dans une caravane. Oh. Coupé. Non, il est non, ben il est pas sélectionné. Coupé, il est pas sélectionnable. Réveillère. Raymond. Réveillère, ça peut aller. Toi, non, Raymond me plaît. Très bien, Raymond va mettre des buts. Un but de Benzema, ça va. Non. Ah non, non. Non. Anelka. Non. Henri. Non. Buffet Timbi Gombis. Non. un but de Toulalan, n'est-ce pas ? C'est bien Toulalan. Ouais, très bien, oui. Allez, au revoir Jean-Marie. Hein. Au revoir. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, les résultats maintenant pour le prix Nobel. En tout cas, c'est sûr, Jean-Marie n'en aura pas un. C'est dommage parce que je trouve qu'il aurait mérité. Oui, c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Bon, allez, on va refaire un tour du côté des prix Nobel. Vous nous l'aviez demandé et nous, les résultats finaux maintenant. Sont définitifs. Oui, prix Nobel de physique. C'était lundi. Je vais pas tout répéter. Hein. Là où le grand vainqueur est. C'est bizarre. Hein. Non, lundi c'était médecine. Non. Ah si. Il en manque un. Alors, je vais commencer sur la page d'avant. Ah, il est peut-être sur la page d'avant. Alors, une seconde. Hop là, je vais voir. Autant pour moi. Ah oui, bah oui, tout à fait. Donc, le prix Nobel de médecine est donné à ex-aequo, hein, mais largement au-dessus de tout le monde, puisque le quatrième à 5%, c'est Michel Simès, 9% pour Roselyne Bachelot, et enfin égalité pour le docteur de Michael Jackson et Dr House. Ah. Voilà. Ensuite, mardi, nous avons eu la possibilité, enfin vous avez eu la possibilité de voter pour le prix Nobel de physique qui est attribué à Victoria Silvstedt. Voilà, pour sa plastique pour irréprochable, 33%. C'est bien, bravo. Quoique, elle aurait pu être dans la chimie, elle aussi. Elle aurait pu, c'est vrai. Le prix Nobel de chimie, maintenant, c'était mercredi. Ahmadine Ejad, 10%, 4e. Jean-Louis Borloo, 19%, 3e. Amy Winehouse, 33%. Et enfin, le premier, Richard Gasquet, pour avoir été le premier à sécréter de la coke naturellement, sans en consommer. Bravo à lui. Ensuite, c'était hier, le prix Nobel de littérature. Le grand gagnant. C'était Vanessa, la grande gagnante est 5% Marc Lévy, 8% le corbeau de Clearstream, 2% Dieu, quand même, hein. 13% Dieu, pardon, et 73% pour Vanessa de Secret Story pour avoir réinventé la langue française. Bravo à elle. Mais elle l'a remis à l'envers, elle. Hein. Elle l'a remise à l'envers, ouais. Et enfin, YouTube, hein. Et enfin, le prix Nobel de ce jour était le prix Nobel de la paix. 7% pour Kadhafi seulement. Oh. Laurent Ruquier, 14%. Oh oui, Brice Hortefeux, 19%. Et enfin le PDG de France Télécom pour ne pas avoir attendu le 25e suicide avant de prendre des mesures. Bravo à lui, 58%. La raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. Ouais, c'est la fashion week. Ouais, c'est ça, c'est la mode. C'est la mode. Fashion suicide. Voilà, donc les prix Nobel ont donc été donnés à tout le monde. Bravo à tous les gagnants. Bravo à toutes les enflures en fait qui ont été nommées. Ouais, c'est gagné. Pas Dr House. Non, non, Dr House ça va. Ni Victoria. Docteur, Victoria Schilfsted, alors. Ah si, c'est une enflée. Bon, c'est une enflée. Ouais, elle a un peu enflé. Ouais, elle a surtout des cuisses. Mais en fait, c'est une ancienne championne de tennis, je crois. Ah vous ? Il me semble. Putain. Je peux dire des conneries aussi, ouais. Comme par exemple qu'il y a 9 planètes. Voilà, ouais, ça aussi encore. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a une qui a été retirée, tu vois. Ouais, c'est une bâtarde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle s'est barrée. C'est... Elle passe ses papiers, encore un coup d'hortefeu, ça. Allez, dans un instant, on écoute Edouard Maillet avec Stereo Love. Et puis on se mettra un petit son US aussi avant de partir. Le Polo Show. Et on ira chez Jean-Claude au fucking Blow By. Voilà le son de Edouard Maillet à l'instant. Edouard Maillet avec Stereo Love. T'as kiffé Sandro ou pas? Je trouve ça énorme. Mais j'étais en train d'acheter un Kit Kat à la machine. Mm-hmm. Alors je peux pas tout. Putain, mais t'es en train de bouffer tous les Kit Kat de la machine. Là, ouais, là, ouais, parce que je me suis fait mal en prenant la nana en main. C'est dingue, ça allait où? Bah, je sais pas. Mais enfin. Bah, oui, oui. Elle est aux chiottes. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu fous, Sandro? Bah, je suis parti faire pipi. Pipi. Elle a été pissée pendant le 10, mais elle avait pas le temps pendant la pub. Non, elle était tout près de la machine. Elle à bouffe pendant que la pub. Si grosse vessie que ça. Mais non, je pensais être partie pendant le disque. Oui, bah c'est bien ce qu'on partie pendant la fin du disque. Voilà. Je suis pas fait pipi pendant 4 minutes. Oui, bah écoute. Enfin 3 minutes. Ouais, bah il faut croire que si, hein, que je te dise. Bon, on ira chez Jean-Claude dans quelques instants et on mettra un petit son US aussi tout à l'heure. Petite question maintenant pour Sandro. Est-ce que tu sais qui est Éric Besson? C'est un réalisateur de films. Oui, presque. C'est le ministre de l'immigration. Mais c'est pas pour parler des sans-papiers de Calais, hein, qui veut renvoyer tout de suite dans leur pays. C'est pour parler de sa femme, enfin de son ex-femme, qui sort un livre qui parle de sa vie avec Eric Besson et franchement ça pourrait être ton modèle Toff hein. Ah ouais pourquoi? Ah bah vous avez la même vision de la fidélité à plusieurs. Mais enfin c'est pas le premier politique qui trompe sa femme hein. Non mais c'est le seul qui le jour de son mariage au moment où le maire lui demande de prêter serment arrête la cérémonie pour dire secours, assistance oui, fidélité non. Voilà. Bien violent. Elle est bien conne la meuf de se marier aussi. Le mec lui dit clairement on se marie mais je mets ce que je veux. Voilà c'est ça et après 30 ans de mariage en fait il s'est cassé pour aller avec une meuf de l'âge de sa fille. Ouais t'as voilà. Raison. C'est un vrai modèle pour moi. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il a un problème avec le cul ? Non, parce qu'il est prêt à tout pour devenir le premier ministre. Tu vois, il retourne sa veste, dégage des gens comme ça, et puis dégage sa femme comme une mère. Non, bravo Besson. Ouais, enfin, il y a quand même mieux comme modèle. Hein. Mais Besson, c'est lui qui a fait le Grand Bleu ? Ouais, ouais, ouais, c'est lui qui va faire la suite avec Bachelot. Ouais. Ah oui, ma oui ! Oh, moi, j'aimerais bien faire le film avec Besson. Roberto, vous pouvez arrêter de faire ça. Vous faites quoi, le film de l'art ? Non, de venir sans être invité. Mais pardon, là, Michael, j'ai entendu qu'il y avait un film avec Besson et moi, j'aime faire le film et tu m'as dit tout à l'heure de revenir plus tard, alors je reviens. Oui, déjà, c'est Eric Besson. Bon, bref, vous voulez quoi, Roberto ? Ah, bah, je veux faire le film du Grand Bleu avec Besson et Cachalot. Là, je crois que ça va être un chef-d'œuvre du film de l'art. Mais il n'y a pas de film, Roberto, c'était une vanne. Besson, c'est un homme politique, c'était pour rire. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. J'ai eu une révélation. J'avais déjà le décor. Je vais tourner ça à l'Elysée parce qu'il y a plein de lumière. Et le film de l'art, c'est d'abord de lumière, de la couleur et beaucoup de sperme. Ça va, Roberto. Bon, et l'histoire du film, ça va être quoi? Mais comme Besson, il aime bien Besson. Donc comme Besson. Non, Besson. Comme Besson, oh, il aime bien le sperme. Non, le sexe, pardon. Et qu'il est prêt à tout pour réussir. On va faire un film futuriste en 2014. Avant les élections, le ministre, il va essayer d'être élu. Il va mentir au peuple comme Berlusconi. Il va lui dire des conneries au peuple. Comme par exemple, pour baiser plus, il faut baiser plus. Mais c'est nul, ça. Et à la femme, tu l'aimes ou tu la niques, tu comprends? Oui, mais enfin, écoutez, non, je comprends pas, mais enfin, c'est incroyable de dire ça. Mais c'est pas grave, je continue. Et après les élections, tout le monde, il est content, tout le monde, il est heureux parce que les gens, ils savent pas qu'ils sont en train de se faire niquer par les politiques. Mais ça, alors, c'est vrai. Pour expliquer l'allégorie, à la fin du film, il y a une immense partout, oh. ça baisse, et toujours, il baise. Oui, les gens, ça va, baissent. On va savoir, alors quoi, il faut quoi baiser, il faut niquer. Pour expliquer qu'on va vers une fin apocalyptique de la destruction à cause du mauvais choix des politiques, hein, on va faire une explosion d'espèces. Oh, ça coule. Mais c'est pas possible. Oui, ça part. Bah, c'est pour montrer la douleur des gens noyant les peuples dans des litres et des litres d'espèces. Oui, ça va. Bon, ça va. Ça suffit, Roberto. C'est bon. Je comprends. Il faut pas trop dire pour que les gens ils ont envie de venir voir le film. Hein, je fais aussi une magazine sur les films de l'art, c'est une bisexuelle. Wow. Je crois qu'on dit un bimensuel. C'est quoi le titre du magazine? Ah, c'est l'art is show. L'art is show, oui. Ah, l'art is show, bravo. Alors là, meilleure vanne. Alors là, c'est la meilleure vanne de l'année. Bravo. Alors là, Roberto. Ouais, bon, alors quoi, chapeau l'art is show et je me mets à genoux parce que là, celle-là. L'art is show, ça coûte 150 euros les magazines. 150 euros? Vous faites pas chier, Roberto, c'est cher. Hein. Mais pour toi, c'est gratuit. Oui, enfin, c'est gentil, mais j'en veux pas, hein. Comme d'habitude. Ne m'invitez pas à l'avant-première et surtout évitez de revenir. Merci, Michael. Je t'inviterai à l'avant-première avec du plaisir et je viendrai pour les prochains films que je vais faire, qu'il va être beau. Tu nous envoies les premières feuilles d'artichaut. Ouais, comme d'habitude, il a rien compris. Bon, allez, salut Roberto. Oui, bonsoir, à bientôt. C'est ça, c'est toujours un plaisir, oui, ouais. De nager dedans. Oui, c'est ça, allez, au revoir. Bon, on a Loïc, Sébastien qui sont là maintenant pour jouer chez Jean-Claude au Fucking Blue Boy. Bonsoir Loïc, bonsoir Seb. Salut, bonsoir, ça va bien? Ah, ça va bien et toi? Bah écoute, ouais, ça va plutôt bien. Bon, alors, nous allons jouer maintenant donc pour repartir avec des cadeaux, forcément. Enfin, surtout vous, hein, parce que nous, on gagne rien. Mais, ouais. mais on va aller chez Jean-Claude. Vous connaissez Jean-Claude? Ah, bien sûr. Coup, ouais. Ah, bien sûr, le Fucking Blue Boy, sa grande boîte où le roux a presque des parts hein, dedans, hein, tellement il est un habitué. Enfin, il y laisse souvent des parts lui-même. Ouais, en tout cas, il y a une carte platine. Oui, c'est vrai. Ouais, une belle carte platinium du Fucking Blue Boy. Bon, allez, on va chez Jean-Claude, on va sonner à la porte. Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bonjour. Bon Jean-Claude. Oui. Vous avez beaucoup manqué au roux. Ah mais je sais, lui aussi il manque toujours atrocement. Ah oui, il aimerait bien que vous le preniez avec la semaine. Hein. Ah bah moi j'aimerais bien le prendre tout court, vous savez. Oh là là. Ouais, bah, j'imagine. Fatigue toi. Oui, j'adore te fatiguer. Oh là là. Ça c'est trop de sexe. Ah, plus je t'entends crier, plus je jouis. Trop de sexe, trop de sexe. Bon Jean-Claude, je vous présente Loïc, 18 ans, de la chair fraîche. Ah oh, oui, j'aime Claude, bien le matériel neuf. Voilà. Ça ah, va, oui. Mon chéri. Et... Ah bah, ça va très bien, et toi? Mais oui, c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé? Oui, bon, voilà. C'est ce soir. Mmh. Ah, très bien. Tu bon, te masturbes et... Oui, enfin, Jean-Claude. Bon, et en face, il y a Sébastien, du matériel un peu moins neuf, mais ça va encore. 38 ans. Ah oui, 38 Bonjour, ans. Mmh, toi, tu as des kilomètres au compteur. Un petit peu, ouais. Oui, tu as dû en voir défiler des petits fions, hein. Oh là là. Non, je le savais. Bon, est-ce que vous connaissez les règles de mon jeu ? Ah bah bien sûr. Bon, parfait, alors je les répète. Hein. Donc je vais vous poser 3 questions. À chaque question, il y aura des propositions. Pour donner une réponse, il faut d'abord crier bien fort votre prénom, sinon ça ne compte pas. Vous avez compris ? D'accord, Jean-Claude. Oui. Bon, allons-y. Alors, première question. Où est situé le point G chez un homme ? A, au dans le cul. A, au bout de son gland. B, au fond de son cul. Ou C, il n'en a pas. Oh, oui, classe. Sébastien, je t'écoute, mon chéri. B. B, oui, au fond de son cul, bravo. Tu dois trouver le tien. Tu dois bien savoir où il est. Ah oui, moi, moi je le trouve avec mon petit doigt. Oh. Bon, deuxième question. Combien de muscles faut-il solliciter pour rouler une pelle ? A, 50. B, 34. Ou C, 62. Loïc. Loïc, je t'écoute, mon chéri. C. C, 62, mais non. Oh, oh là là. Sébastien, c'est 140. Oh là là. Sébastien, je t'écoute. Oui. B. Dis-moi. La B, mais oui, Sébastien, bravo. Oh, qu'est-ce que tu es fort. Tu as déjà gagné, bravo. Ah, c'est déjà gagné. Ah, c'est fini. Eh oui, parce que Loïc, il ne pourra pas revenir au score, mais je peux poser la question pour l'honneur. Allez-y quand même, vous êtes payé pour ça, Jean-Claude, hein, je vous rappelle. Bien sûr, avec plaisir. Alors, Loïc, pour l'honneur, hein, donc sois être premier à répondre. Ok. Pour un clitoris bien excité, peut mesurer jusqu'à... Tu les trouves où, tes questions, excuse-moi, mais... Non, mais... Dans l'encyclopédie du cul, en 36 volumes. Oui, parce qu'ils avaient c'est pas réussi... C'est Michel qui joue avec tout, on dirait, là. Ils n'avaient pas réussi à aller jusqu'à 69 et c'était bien dommage. Ils auraient dû faire des volumes plus petits. Où est-ce que tu les ranges ? Dans mon cul. Bah voilà. Hein ? Alors, bon. Le clitoris, qu'est-ce qu'il a ? Alors, donc, un clitoris bien excité peut mesurer jusqu'à combien de millimètres ? A, 5 millimètres. B, 10 mm ou C, 15 mm. Loïc, je t'écoute, mon chéri. La réponse A. La réponse A, 5 mm, mais non. Oh. Loïc, tu es mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Seb, je t'écoute. La réponse C. La réponse C, mais non, c'était la réponse B, 10 mm. Et oui, vous avez été mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Voilà. Voilà. Hein, vous êtes punis tous les deux parce que vous n'avez pas été bon. Ah, ils ont été bien punis, là. Oui, bah, ils ont mérité, de toute façon. Hein. Bon, Loïc, on voit que tu es du matériel très neuf. Hein. Il va falloir faire ton éducation. Hein. Donc, tu passeras me voir plus souvent. Hein. Vite. Quand tu veux. Je vais m'occuper de toi personnellement. Je vais t'apprendre plein de choses, mon chéri. Mmh. Évite de mélanger éducation et cul en ce moment, c'est pas... Il a 18 ans, il est majeur. Ouais, ouais, ouais. Bon, Sébastien, par contre, toi, c'est gagné, bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui, tu repars avec une sodomie gratuite. Oh, merci, quel beau cadeau, Jean-Claude. Mais oui, c'est le plus beau cadeau qu'on fait au Fucking Blue Boys. Tu vas pouvoir venir te profiter de ton cadeau dès lundi. Tout à fait. En studio. Quelle chance. Voilà, je te mettrai personnellement le lubrifiant. Loïc et Sébastien, merci à vous d'être passés. Tu feras le reste aussi, hein. Vous revenez, quand vous voulez, bien sûr, d'accord ? Ouais. Salut à vous. Ciao ciao, bye bye. Bon, dans un instant, merci Jean-Claude. Je vous en prie. À bientôt. Oui, enfin, et vous me laissez le roux, hein, j'ai très envie de lui. Ah oui, pas de il me problème. Présente déjà son petit cul. Ah bah c'est parfait. Ah. Allez, au revoir Jean-Claude. Oui, au revoir. Allez, au revoir. Hop là, l'affaire est pliée. Bon, avant de se faire le son de la cave, qui lui n'est pas un son US pour une fois, quoi qu'on pourrait croire, hein, mais c'est pas ça. On aura le polo show What aussi et on va appeler quoi ? What is it de Sound of bah, the Cave. Tu vas voir, ce n'est pas un son US. Non, bah c'est un son de la cave. Ceiling. Non, c'est pas un son américain. Oui, c'est un son de la cave. Et alors, ça peut être un son US quand même. Bah, ça peut être tout. Oui, allô. Ça n'est pas. Guillaume qui est là, 25 ans. Bonsoir, Guillaume. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bon, on t'appelle pour... Attends, excusez-moi, je me suis éloigné du micro, j'étais déjà parti. On t'appelle pour Maria Carré. Tu vas peut-être pouvoir venir assister à l'émission du 6-9 avec Nikos, Mustapha et Flo. Bon, ça c'est... voilà, ils sont là, on va les laisser. Hein. Mais techniquement, c'est mieux Maria Carré quand même. Hein. Maria Carré, ouais. Puisque Maria Carré sera peut-être là. Enfin non, sera là, mais toi par contre, tu seras peut-être là. Écoute bien les extraits de Maria Carré et il faut que tu me donnes les réponses derrière. Écoute. Voilà. Sandro. Bon. Guillaume, hey, ferme ta... hey, fais gaffe ou je demande à l'ananas de te piquer. Guillaume. Oui. Quels sont les titres? On peut réécouter. Oh non, on va pas la nuit. Allez, on peut réécouter. Vas-y, vas-y. Allez, toute dernière. Bon, allez, vite fait. Ah. Bon alors, on t'écoute. Donc, il y avait When You Believe. Ouais. Ouais. Et I'll Be There. Ouais. Et il manque le premier, je crois. Et Hero. Non. Écoute bien. Vous êtes mauvaise là. Là, j'ai une équipe à côté de moi. Attends, on va le remettre. Ouais, on aimerait bien. Oui, mais enfin bon, on va pas le remettre 15 fois non plus. Hein. Qu'est-ce que c'est, morceau? Il y a un problème. Il le jeune. Ouais, il le jeune. Non. It's crazy. Elle fait get your number. Get your number, baby. Voilà, bonne réponse. Bravo, quel talent. Bon, et ben c'est gagné, Guillaume. Tu vas pouvoir venir rencontrer Maria Carré dans le 6-9. On a trouvé un jeu pour lundi. Salut, Guillaume. Bah super, merci. Je t'en prie, tu restes chez Michel Standard. Ouais, super. Allez, ciao, bravo à toi, Guillaume. C'est quoi votre jeu là pour lundi? Oh là là, on avait un truc à la télé là. C'est quoi? Bah, on lève ta main déjà, peut-être, pour expliquer. Non, ça me fait très mal, c'est horrible. En fait, ils ont suspendu un mec à une combinaison bien serrée, tu vois. Ouais. Un espèce de juste corps bien serré. Il est suspendu sur une barre de dos. Et t'as un autre mec en face qui lance des disques, des vinyles. Il faut que ça le rentre dans son cul. C'est bon, ça. Ah, il faut surtout que le mec l'arrête avec ses fesses. Alors, on va jouer à ça lundi. Ben, c'est pas mal, mais c'est une bonne idée. Tu fais ça avec ton boule. Il sera abîmé après. Mais celle-là, le plus large, c'est celui de Sandro. Donc, Il sera abîmé, hein, sinon. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est après. Allez, dans un instant, The P-Wallow Show. Et maintenant, nous allons... C'est bon, ça, son de la cave. Non, pas du tout, non. Et maintenant, donc, le son... C'est une mauvaise manie de chanter sur tous les trucs qui passent. C'est insupportable. Oh là là. Ferme ta gueule, Sandro. Et là, on se fait péter le son. Eh, ferme son micro, ça m'en fout, là. Nada Surf, maintenant, est populaire. Qu'est-ce que c'était bon, ça? Et qu'est-ce qu'ils sont cool aussi? On les avait reçus, d'ailleurs, il y a quelques temps. Le groupe Nada Surf, qui est français, d'ailleurs. J'ai une anecdote. Cela dit en passant. Oui, ils sont pas français. Ils sont américains. En fait, il a étudié le chanteur aux États-Unis dans une école française parce que sa mère est prof de français et le bassiste est espagnol. Ouais, ils se sont rencontrés à l'école là-bas. Mais ils parlent français, ils sont français. Ils parlent oui, français. Oui, mais alors, oui, ils sont français. Si je peux dire, dans les années. Alors, quand j'étais jeune, dans les années 90, c'est un des premiers groupes que j'ai interviewé. Oh, ah, j'étais jeune, j'avais des cheveux partout. J'étais. Ouais. J'allais au concert tous les soirs. C'est ça le truc. Concert de rock, c'était enfin, quelle violence. Oh là là. Bon, allez, Nada Surf à l'instant, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur amical.fm dans quelques secondes. Je suis en train d'uploader le son. Et puis, c'est parti maintenant de P-Wallow Show. On y va. Hi, I'm Lily Allen and you're listening to P-Wallow Show. En parlant de Lily Allen, je me la serais bien faite. La dernière fois qu'on l'a vue, elle. Non, mais je la trouve pas mal. Là, elle est un peu grassouillette, mais j'aimais bien son. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Jack qui me fait. Jack qui me fait le mime en me montrant les nibards et tout. Mais moi, je l'aurais démonté. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Bienvenue dans le Polo Show. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi le dimanche dans le best-of. Hop, je fais ma petite pub. Bon, il y aura Pedro, mais ça, c'est une anecdote. Hein, on peut dire que c'est une anecdote. On va écouter un peu de pub et on se retrouve après pour le début du Polo Show. Le public! Si vous venez de vous faire larguer par votre femme, que vos amis ne vous appellent même pas et que vous êtes seul un samedi soir, il y a une application pour ça. Et vous êtes ministre de l'écologie, que vous voulez profiter de toutes les réceptions de l'Élysée Pour vous prendre une cuite, il y a une application pour ça. Et vous êtes comme moi, ou comme tous les jeunes Français qui déglinguent toutes les bouteilles possibles et que... Ah putain, il n'y a plus rien à voir. Il y a une application pour ça. Découvrez la nouvelle application d'Apple, Hippicole, uniquement sur l'i... sur l'Heineken. Non, sur l'iPhone, bien sûr. Salut, c'est Lali. Je suis dans le Polo Show avec Polo, qui est super beau, super sexy. Merci, Lali. Non, moi, j'adore, voilà. Désolé. Je te kiffe, Polo. T'es le meilleur. Le programme qui va suivre peut contenir un langage susceptible d'heurter la sensibilité de certaines personnes. Il est donc disponible en version cryptée. Pour cela, appuyez sur la touche de votre télécommande. Je tiens à dire à Lali que si éventuellement elle a de la pub à faire pour un truc, un CD ou je sais pas quoi, elle est la bienvenue dans le Polo Show. Elle peut venir en direct hein, si on peut. J'ai vu tout à l'heure là sur le site que j'étais qu'on était télédiffusé par le web. Bah oui. Et non mais il y a du son et tout, c'est génial. Non, avant il n'y avait pas de son. Fallait se mettre depuis sur le player. Année, depuis cette année, ça marche. Oui, mais moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai un métier. Et donc, vous pouvez me voir à la télé, le Polo Show est télévisé aussi. Et c'est quoi ton métier? Mon métier? Ouais. Je sais pas. Beaucoup d'auditeurs dans le standard, ça se blinde, le standard est... comment dirais-je? Vide. Mais il est où, Micha? Ah bah voilà, c'est pas... Pour le coup, il est dans le standard. C'est pas possible, ça. Bon, allez, premier auditeur, qui est là? Ouais, allô, Polo? Ouais. Ouais, je voulais dire, moi, je te vois la webcam, franchement, je te kiffe trop, hein. Ouais. Franchement, c'est trop bien de te voir, franchement, sur c'est la quoi webcam. Ton parce prénom, que... tu te présentes pas, toi, ah, t'arrives bah, comme ouais, ça. Non, tu... en fait, je m'appelle Pierre. Mais en fait, non, je voulais dire, Polo, franchement, je kiffe ton émission, c'est vraiment trop d'accord. Bien. Ce que qu'est-ce tu qu'est-ce fais. Que tu veux, Pierre? Ah, parce que, non, je voulais te demander, Lali, tu la kiffes? Non, parce que moi, je la trouve trop bonne, hein, Lali. Ouais. Franchement, j'ai vu son film et tout, c'est vachement bien. Hein. Tu l'as vu, son film? Tu peux te calmer un peu, parce que franchement, moi, j'avais piraté son film et donc c'est comme ça que j'ai pu regarder. Pierre. Pierre, non, Polo, non, ça mais suffit. Polo, non, ce qui est va bien, te faire Polo, soigner. Que je voulais dire, qu'est-ce que tu dis, Polo? Va te faire soigner, il y a un mais anglais, non, mais t'inquiète pas, je dois pas me faire soigner parce bon, que allez, tu casse-toi, sais, Pierre, oh là là. Je suis allé à l'hôpital et ils m'ont dit que j'avais rien, c'est juste qu'en fait. Casse-toi, oh là là, c'est pas possible ça, qui est là? Allô? Hey. Oh non, tu vas attendre, je préfère te mettre à la fin comme ça, je. D'accord? Hey, de toute façon, t'as pas le choix, t'attends. Auditeur numéro 3. Allô. Oui, qui est là? C'est Jean-Pierre à l'appareil, ça va? Oui, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux? Bon, je suis très intéressé là, j'ai bien réfléchi, je suis vraiment très intéressé. Intéressé par quoi? À produire ton émission. Mais je t'ai rien demandé, je la produis tout seul, c'est pour ça que j'ai de l'argent. T'as besoin de moyens, t'as non, besoin je n'ai de... besoin de rien, c'est bon, j'ai un micro, j'ai un standard, mais j'ai un réa, j'ai tout. Quand on a le talent comme ça, j'ai en pas toi, de talent, c'est pas vrai. Pouvoir plus grand, plus gros. Plus gros, ça suffit. Ouais. Je pense qu'on peut pas aller plus gros. Ah si, on peut faire plus mauvais encore, Polo. Ça, on peut faire plus mauvais, c'est sûr. Mauvais. Mais qu'est-ce que tu veux, à part ça? Bah écoute, moi je veux te produire, c'est tout. Et si je veux pas? Bah écoute, j'ai 100 euros à mettre. Autant les mettre dans ton émission. Non, tu sais ce que tu vas faire avec tes 100 euros? Je te produis, moi, pour 100 euros. Il y a des... Tu vas aller au bois de Boulogne avec tes 100 euros et puis t'arrêtes de me saouler. D'accord, 100 euros. Tu pourras peut-être t'acheter un t-shirt. 100 euros, c'est un joueur de tennis. Ouais. D'accord, Jean-Claude. Ouais. Ou Jean-Pierre, ou je sais pas c'est quoi ton intéressé nom. Ou pas? Non, j'en ai absolument rien à foutre de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Alors on va te faire foutre. Ouais. Avec plaisir, allez, casse-toi. Et pour terminer ce Polo Show, il faut bien une fin. Pour terminer l'émission de Mickaël, il y a le Polo Show et moi j'ai le Show. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Polo. Oui, Polo. Polo. Eh ben tu sais quoi, Polo? Quoi? Baisse d'infos, Polo. Mais toi, tu es toujours en train de traîner pendant 5 minutes pour dire bonjour. Rien que pour dire bonjour, il te faut une heure. Bah ouais, mais durée d'écoute. Polo. N'importe quoi. Alors là, ne parle pas de ce que tu connais pas. Oh bah je savais, putain. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Bon. Je te confie. Polo. Quoi? Polo. Polo. Eh ben je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Polo c'est une grosse bite. Polo c'est une grosse bite. Ouais, eh ben Polo, dis-toi derrière. Polo, dis-toi derrière. Ça a sonné derrière, ce matin. Eh ben je peux te dire que j'ai une gueule de con et j'ai pu comprendre encore peut-être qui était derrière cette porte. Ah enfin, tu t'es donné la peine d'aller voir derrière cette putain de porte. Non Polo, j'ai pas dit que j'avais ouvert. Alors c'est qui? J'ai regardé dans le Judas. D'accord, qu'est-ce que t'as vu? Judas, des Judas, toi aussi. Je connais que ça, qu'est-ce que tu veux, qui t'as vu qui? Ah, j'en connais, moi, j'en connais aussi. Oui, on sait que t'en connais, on en connaît, nous en connaissons, vous en connaissez, ils en connaissent. Ouais, tu sais bien, t'es vert, c'est bien. Eh, hey, Polo, eh ben, dis-toi un truc. Je me suis fait des tomates mozzarella à midi. Eh, hey. Eh ben, j'étais assis. Eh, hey. Eh ben, hey, Polo. Oui, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu t'envoyer un texto. Ah bon? Pour dire, Polo. Quoi? J'ai voulu t'envoyer un texto pour dire que je mangeais au restaurant. Qui tu veux que ça me foute? Allez, vire-le, vire-le. Hey, Polo. Garde patience. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. Bon. H-5. Monsieur, ça Polo. Suffit, ça suffit. Vire-le, vire-le, vire-le. Ça suffit, bon, ça suffit. Allez, allez, tu vas y aller. Attends, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Eh ben, Polo. Quoi? Je peux te refaire un jingle du Polo Show? Viens-le, viens-le, viens-le. Ah, ta gueule, grand asperge. Vas-y, mais cours, Allez, viens-le, viens-le, viens-le. Ta gueule, asperge, pauvre merde. Ouais, calme-toi, parle pas comme ça, mon standardiste, monsieur, Bon. Allez, viens-le, vas-y, viens-le. Allez, j'y vais. Vas-y, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez. Allez. Allez, encourage-moi, Polo. Non. Vas-y, fais-le ton putain de jingle. Alors, attention, j'y vais. Vas-y. Oh, y a pas de chute. Moi, je me fais engueuler. Alors. Allez, viens-le, viens-le. Allez. Allez, arrête de rigoler. C'est le week-end. Polo. Ouais. Tous les soirs, écoute le pop, l'eau chaud. C'est génial. Dimanche, on est là, hein, dans le best-of, d'accord? Ouais, mais il y a l'autre nabo, je peux pas. Ok. Bon, et salut, je te raccroche au nez comme un malpropre. Ça s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas, car grâce à eux, je suis zéro et le dernier. C'est à cela qu'on arrive. Ah ouais? Ah ouais? L'émission est terminée là. Ah bah bravo, ça, ouais. Et bah, ça sera retenu sur ton salaire. Ça sera sur votre dossier, ça sera noté dans votre dossier, Micha. Bon, allez, passez un bon week-end de tout le monde. On se retrouve lundi, 21h en pleine forme. Dimanche. Et puis, on se retrouve. Et puis dimanche avec Los Mercados. Beaucoup de surprises. Ah les bon invités. Ah, là, là, oh là c'est... Attention. Bon bah très bien, lundi, dimanche pardon, le best-of dès 21h ouais. Avec Los Mexicanos et avec les invités apparemment. Oh là en là. Veux-tu, en voilà. Ouais. Voilà. Allez, passez un bon week-end, amusez-vous bien, ciao. Et dans un instant, c'est l'Ardif du 6-9 comme tous les soirs jusqu'à 3h. Ciao.